fallu ta vie. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 7 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. We're back, bitches. Yeah. L'aliment de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Le numéro 24, Mart Vero. Yep. Le numéro 98, Alex Galipo. Le numéro 31, le gars qui a un styliste, JF Mallette. Et le numéro 75, votre animateur, JF Grand. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc de retour pour la soirée du podcast. We're l'équipe back, presque bitches. Complète en studio. Ouais, c'est assez complet. Ouais, vous avez manqué deux épisodes. On a fait un moi PGF. Il y en a eu un que mon frère était présent parce que vous avez fait un lundi. Ouais, et puis là lui il peut chialer puis personne ne peut le contredire mon frère. Fait que là, là il est pas là ce soir, mais tout le reste de l'équipe est là ce soir. Personne peut le contredire, t'as dit? Ouais, quand il est tout seul, tu sais, personne peut parler contre lui. Ah ouais, c'est sûr, ça. C'est ça qu'il vient, c'est ça là. Il vient. Il aime bien venir. Il aime bien ça venir, puis on va aller faire l'avant-match. Puis, ouais, d'ailleurs, on va le dire après, là, mais... Petit disclaimer, on est de retour sur le vieux iPad, le vieux soundboard. Parce que faut attendre 3 secondes. Faut attendre un genre de 3 à 5 secondes. Il y a des affaires qui sont louches, j'ai pas tous les sons. Fait qu'on va faire ce qu'on peut. Il est vraiment épais quand ça. On remercie. Oui, c'était comme c'est un. C'est comme un livre. Le livre est bien c'est meilleur. C'est old school. Mais. C'est drôle, Chris. Maudit Apple que tu mets à jour ton iPad puis que les applications marchent plus tout d'un coup, la dernière minute. Là. Alors voilà, Dave, as-tu les positions du pool? Oui, madame. Douille. Donc, on va commencer par la cinquième position. Alexandre Brisebois. En quatrième position, Nick Chalifou. Nick. T'as pas mal qu'on a des noms qu'on connaît, là, en plus. Là. Troisième position, Jean-Sébastien Chapleau. C'est marqué ça. Deux, Marc Belletête. Et un... Guillaume Touga. Et pour ce qui est de nos positions à nous. Belle tête. Ouais. Marc Belletête, ouais. Ouais. C'est pas ok, c'est la première fois que j'entends ça, ce nom-là. C'est pas un vrai nom. Puis pour nous autres, on est loin, je pense. C'est sûr que oui. Ah, ben Chris, hey, j'ai tabarnak, j'ai nice. Monté. Ouais, je suis rendu, ouais. rendu 22e. Tabarnak, j'étais genre. T'es le premier dans nous autres, 22? Ouais. À Marty et tout, il est tout d'après moi. Après ça, on tombe à. JF Cromp, 35. Yes. Moi, je dégage. Alex Cron, 42. Je dégringole. 45, Jeff Mallette. Oh. Alex, 49. Je dégringole. Et le dernier, c'est Olivier Roberge. Qui est en 52? 59. J'espère qu'il nous écoute. Ouais. Shame on you. Bientôt, ça va être moi. Olivier Roberge, tu peux faire peut-être un petit move, là, changer. Ouais. Ouais, faut-tu t'en occuper un peu, même si moi, j'ai fait tout ouais, c'est ça. C'est, hey, c'est entretiens ton pool. Ouais, c'est comme une plate-bande. Si tu t'enlèves la mauvaise herbe une fois de semaine prochaine, vendredi prochain, on peut faire changer. Moi, je fais mon trade bien vite. J'ai encore Arturi Lekkonen dans mon équipe. Ah, moi, j'ai pas. Ah, ouais, moi, j'ai cherché Gallagher. Moi, quand j'ai vu que t'es blessé, j'ai fait comme ah, je vais pas gagner Gallagher. Ah, j'ai mis Gallagher dans la même case que Lekkonen. Ouais. Ah, si, j'ai pas pensé à ça. Je sais quoi faire le 1er décembre. T'as fait ça, tu croches. Je rappelle qu'on est en direct sur Facebook Live et sur Twitch maintenant aussi. Oh, Twitch.tv/la soirée du podcast. Oh, ouais. Ouais. Un nouveau midi. On est nouveau. Ouais, bon, ça bouge. Mon chat s'appelle Twitch. Hein. Aucun crise de lien avec la plateforme. Là, mais... Moi, tout avant-gardiste, avant la plateforme. Ah, tu devrais payer des droits. Ouais, toi, on peut dire d'où ça vient. T'aurais-tu acheté le nom de domaine? On s'appelle tous d'où ça vient, de toute façon. Twitch, pour le tien. Pour. Ton chat, c'était pas genre l'affaire de danse, là, il s'appelait Twitch. Ouais, il y avait un gars qui s'appelait Twitch, puis. C'est ça. Des références d'émissions des années début 2000, je sais pas trop. Ben, 2000, fin 2000. Ah, c'est qu'on est vieux. Anyway. Fait que c'est ce qui conclut l'histoire de mon chat. Ouais, c'est ça. Ton chat s'appelle Twitch, le mien il vient chier pendant les enregistrements. C'est magique, le royaume félin ici, là. Puis Dave, son chat, depuis que. Dave a un kid, le chat est en dépression. Il a pissé dans mon lit pendant que je dormais. Pissé dans le lit du petit, pisse dans son lit. Ah ouais. On voulait rappeler aussi qu'il y a eu... Ah, il a pissé dans mon lit pour vrai, mais c'était une longue histoire. Amène-le chez nous, je veux voir s'il va pisser dans mon lit. C'est-tu malade, il va rester caché dans un trou aussi. Ouais, il y a eu une initiative citoyenne des auditeurs, une pétition pour le retour des call-outs, parce que JF avait dit qu'il faisait plus de call-outs pour la saison, à moins qu'il y ait 100 signatures. Il y a une pétition en ce moment qui circule. Je me rappelle plus c'est qui la Chris, personne. Je regarde sur Twitter, pour que vous en parlez, là, mais Pourquoi t'as arrêté le call-out? C'est la meilleure saison pour faire que des call-out. T'as arrêté le call-out au moment où c'est le meilleur temps. Ouais, c'est parce que dans le fond, c'est une question de santé. Toi, t'aimes pas call-out. Question de santé. T'aimes pas call-out. Il est rendu à combien là, de votes? Faudrait que j'aille voir. J'espère que c'est pas 80. Non, on était à 20 cucks la dernière fois que je suis allé, puis c'est cette semaine. On était à 21, je pense. Je pense que tu as allé. Moi, je l'ai signé, moi. Ouais, moi aussi. En tout cas, je vous donnerai pas les stats. Toi aussi. Moi, je l'ai pas signé, mais je pourrais y aller. Là. Mais bon, mettons qu'on était à 25-30. Tu vas-tu comme Bailey à 50? Tu vas-y aller à 50 ou. Le gars, s'il s'enlève le Carlos Finger, puis il va voter pour le ramener. Pour le ramener lui-même. Non, je faisais un test parce que je connaissais pas le système. Faisais un test! C'est vrai. Je connaissais pas ça. Point ORG. C'est rare, tu vois ça, ces affaires .org. Mais non, c'est toutes des affaires de gouvernement ou des trucs justement comme ça. ORG. Dans la rue. En tout cas, c'est sur change.org. Fait que c'est pour le monde, ils veulent qu'on change le podcast. Change? Change.org. Hey, t'es cheap en tabarnak d'avoir voté pour toi. Mais en tout cas, allez lire au moins la pétition parce que le texte ça est vraiment drôle. Bien. Le gars a listé les call-outs qui ont sorti. Fait que je lirai dans le deuxième, j'irai voir entre les périodes. Là, pour, fait que là, tu l'as pas amené ton gros doigt. Non, il est blessé au bas du corps. Toujours le jour. Un peu comme Price, qui revient demain d'ailleurs. Ouais. Fait que là-dessus, on va aller faire la première période. Et tabac. Et voilà. Oh, on est venu sur le vieux buzzer aussi. Ah, ben ouais. Voilà. Oui, il a changé le buzzer. Ben oui, à ça, j'ai un buzzer. C'est comme un vieux buzzer de gymnase. Ben, j'aime bien mieux lui, moi. Mais le nouveau, il fait comme brrr, c'est comme un gros bateau. Puis ça fait mi. Voilà. Veux-tu d'autres imitations de son de buzzer? Ben, fais-moi un son de gazou. Fais-moi un son de gazou. Un ballon qui dégonfle. Alors, on va y aller avec le résumé des matchs parce que le Canadien n'a gagné qu'une seule fois. Non. six matchs depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc, le 11 novembre, victoire de 2-1 face aux Sabres de Buffalo. Bon, la seule victoire était là. Buffalo étant Buffalo. Nate en prolongation, en plus. Nate contre Buffalo demain, en plus. On salue Seb Brutal, qui attend toujours le réveil de Nate the Great. bon, après ça, 14 novembre, défaite de 2-1 contre les Blue Jackets. Le 16 novembre, défaite de 5-4 face aux Coyotes. C'était de la merde. Les Coyotes, là, j'ai rarement vu une équipe aussi mauvaise que ça. Elles sont dégueulasses. Pour ils ont perdu Toronto. Oh, mais là, c'est après, normal. On les a repartis. Genre, ça partit en séquence de 3-4 mais c'est normal parce que, tu sais, veux pas, le team était dû pour gagner une Coupe de la loi de la moyenne. Il n'y a pas le choix. Ils ont battu Toronto après que Toronto nous ait rossé, genre 5 ou 6-1. Ben, justement, c'est le prochain match. C'est le 8 novembre. On a donné une volée de 6-0 face aux Leafs. 6-0, puis les Leafs se sont fait planter après. Eux autres, 6-0, je pense, par les Coyotes. Oh, les Leafs ont perdu 6-0 contre des Coyotes aussi. Non. Ouais, mais ça me fait oui. Ça même. Okay. Après ça, ça se peut pas. Non, j'ai pas de. Il a mangé une nestie de déjeuner. Non, c'était 8-0. Le 21 novembre, défaite de 3-1 face aux Stars. Et le 22 novembre, défaite de 3-2 face aux Preds. Premier départ de ma tante Noémie dans l'uniforme du Canadien. Tanti Niemi qui a l'air d'un gars qui a pris son stock de hockey 4-1, Mark. Au Sport Opus à la Prairie. Là. Ouais, ah ouais, mais le casse-blast, tout le temps en beau. C'est presque pas un tape dans le dos qui dit Niemi. Ils ont pris chandail de Montoya, ils ont gardé le même numéro puis ils ont mis un tape Niemi. Ils ont juste pauvre gars. Camouflé la couleur, les anciennes couleurs, c'est pads là. Le jaune n'est plus là? Ouais, mais ils ont mis des stripes. Si tu checks son blocker puis sa mitte, là, tu vois encore les lignes. Ouais, je pense c'est tout son ancien. Je pense que c'est Plecky qui a fait ça. Plecky, il fait des modèles réduits, genre, puis il a peinturé et pas. C'est AB. Il fait des modèles réduits pour mais non. Je commençais à croire à ton discours. Il peinture des figurines, là, tu sais, comme. La Furio c'est lui qui peinture les pucks du Canadien, genre, au game à base. Avec un pinceau. Il fait ça à même. Il fait du artwork. Il fait de l'aquarelle chez eux. Genre, il vend ça après. C'est ce qui reste. Pain à la main. Après, c'était quoi, là? Ben, c'est ça, c'était le résumé des matchs. Fait que c'était un beau 5 défaites, une victoire. On fait-tu des plus et des moins ou on le skip encore? On va faire des moins. Faisons des. On va faire des moins. Est-ce qu'on a un plus à donner à quelqu'un? Oui. Udon, peut-être? Ouais, moi, c'est mon plus Udon. Udon, Joubin. Moi, je le donne à Gallagher. Gallagher aussi. Moi avec. Avec ses petits doigts croches. Ouais. Ben, Gallagher, c'est une excellente saison. Dans une très mauvaise saison de l'équipe, mais quand même, il joue très bien. Tu t'as fait 82 games? Ben, je m'en fous, c'est un plus de là. Il va, ok. It works. Ouais. Bon il point, fait Daniel. Sa job. Bon Udon, je pense, c'est un des meilleurs là, pour l'instant. Même s'il score pas, personne ne score. Il joue sa quatrième ligne. Udon, il crée des hosties de balles à faire. Moi, j'aime le voir. C'est voir son dévouement au jeu qui est hot. Ben, de toute façon, je vais rallier mon plus tout de suite à Alex. Parce que c'est Udon. Il y a pas de chance avec toi. Ça serait plus dans la catégorie des moins. En fait, ce serait plus dans la catégorie je m'en calisse. Ben moins pour le reste. Ben moins, mais non, on va passer à la soirée. Ben, parce que je peux en nommer 22. 22. Qui reste à pas Udon. Ah, moi j'en ai 10, juste une main. Byron, il est Byron, il est pas si pire. Il travaille. Shaw est bon. Il a pas sa saison de l'année passée. Shaw, il est capable. Chucky est mieux. Non. Chucky, il soque le stand site là. Mais en fait, Powerplay est de la merde. Chucky joue mieux. Ben oui, c'est vrai, mais il joue mieux. Mais ça travaille. Moi, je ferais un switch. Je mettrais Chucky à la place de Drouin. Puis Drouin à la place de Chucky. Ben oui. Genre, elle centre. Moi, Drouin, je le mettrais à l'aile. Les plus de points que Chucky a fait dans sa carrière, il était centre. Je sais, mais faut que je sorte Pacho. Drouin, il pourrit au centre. Ah, faut sortir Pacho. Drouin, il soque au centre, man. Il est pas bon. Là, ils ont mis Pacho avec Dano et Shaw. Là. Ouais. Fait que demain, ça va revenir au trio qu'on a eu pendant qu'on a eu Drouin, un peu de succès. Drouin au centre, là. Il essaie d'être trop en forme. Mais il est bon. Il pense trop. Attendez, il y a une affaire. Pacho est avec Dano et Shaw. Ben oui, Pacho, t'as pas le choix, faut qu'il joue avec Dano. Ah, moi, là, quand il bouge Pacho, ils l'ont fait. Clink, ils l'ont fait. Ah, ben là, c'est fait pour samedi. Ça dure une couple de games. Pour demain, c'est impossible. Pacho, il crack juste avec. Personne va au net. Raise that bitch. Pacho? Ouais. Contre deux pains de graines. Non, autre chose, Pacho. Tu vas aller chercher quoi pour Pacho en tabarnak? Parce que ce gars-là, pas capitaine dans une équipe, puis genre, tu le mets à 35 points. Ça se paye. Tu le mets allié avec un bon centre qui va être payé en tabarnak. C'est un du même pas l'affaire de capitaine. Fais juste donner un vrai centre. Il va rappeler la net. Il n'y a pas sa job. Mais il faut le sortir de Montréal pareil. C'est parce que c'est notre seul asset qui peut nous amener des assets. Voilà. Tu irais chercher quoi, un avant ou un défenseur? Tu vas chercher un avant. J'irais chercher un avant. Tu échanges un scoreur, c'est pas un scoreur. Moi, j'expliquais tantôt. Tu te régénérais? Un jeune. J'expliquais tantôt. C'est Price dans les nets, la défensive, je vais m'encore lisser. Elle peut être so-so, puis je veux de l'attaque. Je suis tanné de jouer de la défense. Fait que, gars, mets un bon goaler, tout arrange-toi, là. Puis après ça, on met tout à l'attaque. On dirait qu'on est tanné du crise de système défensif. C'est ça depuis. L'année passée, Pingouin a gagné de même, je veux dire, ça marche. C'est ça, puis trop là, ça marche pas à Montréal. C'est assez. Ben, on n'a pas de coach pour ça, par exemple. Ça a marché. Ça a marché. T'as eu du succès avec cette méthode-là parce que t'as failli te rendre comme en finale de la conférence. Ouais, mais là, ça marche pas. Ça marche pas en ce moment. Ah, mais là, on n'a pas marqué. On a fucké cette année. Ah, mais on a une défensive de. Il manque nos meilleurs éléments à défensive. Ils sont pas là. Notre défensive a été complètement décimée. Ouais, parce que le meilleur défenseur de l'équipe des 15 dernières années, c'était Markov. On l'a plus en partant, c'est un gros trou. Là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, genre, on dit qu'on a besoin d'un avant. Oui, parce qu'on a besoin d'offense. On marque pas de but. Les deux derniers buts qui ont été marqués à la dernière game, tabarnak, c'est Ben puis Morrow. Ah ouais. Joe ouais. Morrow! Il y a trois buts, quand tabarnak! Ouais, c'est dégueulasse. Non, mais ben c'est pas ça. Morrow, c'est pas... Ouais. Non, mais Ben, à sa défense. Il joue crissement mieux qu'au début de la saison. Ah ouais, ouais. Depuis qu'il a été benché. Depuis qu'il a été benché, j'ai plus grand-chose à y reprocher. Ouais. Il est pas impressionnant. Il est impliqué. Mais il fait ce qu'il a à faire. Ben, il fait sa job. Ben, il n'y a pas d'affaire, sa première paye. C'est un bon 5-6e défenseur. Puis il fait sa job. Il joue sa première paye. Il joue au-dessus de 25 minutes. Ça paye. Il joue sa première paye. Sa première paye avec Weber. Il joue sa première paye. Sa première paye. Ils ont mis personne qui a d'affaires sa première paye. Non, personne. À part Weber, il n'y a pas personne. À part Weber. Personne Weber, non, ça paye. Quand Weber est placé, ça monte en esti. On est normalement parce que Petrie devient ton défenseur. On a tellement pas de def. Mais en même temps, je m'en calisse. Si on met Price, puis que Price arrête de penser qu'on va te débrouiller en avant du net, puis qu'il s'adapte à une nouvelle défensive, t'auras plus une bonne défensive devant toi, puis qu'on attaque à la place, qu'on soit plus vers l'attaque, ça pourrait ça prend des défenseurs ouais, mais plus Alex, mobiles. Mais oui, c'est sûr qu'on a besoin de défenseurs. On a besoin de plein de choses. C'est le nombre on a de besoin de plus de rapidité et plus de mobilité. Game, là, ça n'a pas de bon sens. Ben, les Pingouins ont gagné même. Parce qu'il y avait une bonne attaque, un bon ah, un bon il y avait un bon, bon il y avait quand même une bonne ah, mais tu sais, non, il y avait le temps. Le temps était blessé. Le temps était blessé. Puis en plus, ouais, ça, il était blessé. Puis Justin Schultz a été blessé une partie de la saison. Non, ça a fonctionné. Ils ont même pas fait jouer, mais Chris, l'autre, il a pris sa retraite. Strait, t'as rendu 17e ou 18e défenseur malgré les blessés qu'il y avait dans l'alignement. Puis d'autres, on l'a ramassé. Tu sais, tout le monde aimerait avoir une équipe comme Nash. On voulait voir sa bague. Ça, c'est comme ramasser, mettons, une fille là, qui a passé tous les gars d'une gang, là, puis toi, t'as ramassé le dernier. Qui, là. Ça? Dans un clip. Strait. Strait. Qui, ça? Strait. Mais non, ça... Toi, t'as ramassé le dernier. Ça, c'est un mot désespéré. Tu sais, elle n'a plus rien à donner, mais toi, t'as ramassé. À Montréal, c'est là où les vieux joueurs viennent pour mourir. Avec John Scott, c'est lui, Strait. Ils viennent tous finir ici, là. Le cimetière à joueurs. Ouais. Au moins, écoute. Ouais, mais on a chialé pas mal. On vient tous dénommer les moins. Ouais. Voilà. Ouais, toute la gang. Jeff a mis des sujets pour qu'on discute dans la période, justement. Parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas beaucoup de plus et moins parce que tout le monde t'a chié. Là, mais justement, là, le CIH qui réclame Antti-Noémi au ballottage après avoir annoncé quand le Montoya était blessé, une commotion. C'est correct. Au moins, on s'est pas aidé. On n'a pas attendu trop longtemps comme la Nick Pride level 2 ans. Ouais, ça a payé. Ce gars-là va se ramasser au ballottage dès qu'il va à moins qu'il joue super bien. Fait hey, c'est sa troisième équipe. Mais là, aujourd'hui, on a 7 saisons. 7 saisons. Chris, il y a 20 games de jouer puis il a déjà passé 3 games. Il est fat puis il est lent. Mais il a bien gaulé. Il a bien gaulé contre Nashville. Sérieusement, c'est de sa faute s'il n'a pas perdu. Mais ça, c'est normal. Il jouait sa carrière. Ça, c'est normal. Si il se faisait encore scorer 5 buts, 6 buts, c'était fini pour lui. Mais au moins, il y a peut-être une chance que quand il va aller au ballottage, il y a peut-être une équipe qui va le réclamer comme Vegas ou whatever. Mais s'il se faisait encore avoir par 5-6 buts pendant que toutes les autres games le début de l'année, ça c'était l'énergie, du désespoir. C'est son troisième club cette année. Son troisième club. Cette année, on a son 9 ans. Il a fait la job. Puis il risque d'en faire un quatrième. Pas probable, ça dépend encore en fait, là. En fait, ça, c'est s'il est réclamé. Parce que c'est sûr qu'il va être au ballottage. Hey, tu sais, quand t'es habitué à moins que Price revienne puis qu'il reparte, là. Quand t'es habitué de voir un gars techniquement là, comme trop bon comme Price. Ah, lui, il est nerveux quand tu le regardes jouer. Tu vois Niemi, tu te dis. Il est shaky, là. C'est mais il fait des bons petits jeux comme bloquer les passes. Ça fait la même, tu sais, qu'un Lindgren, t'as pas qu'à le faire. Ouais, tu vois que c'est un gardien d'expérience quand même. Manque d'expérience. Ouais, tu vois que c'est un gardien d'expérience quand même. Mais Lindgren, sans être aussi. Tu sais, si shootout, il était bon, là, Niemi. Tu n'as rien à reprocher. Il suivait à Puck. Ouais, parce qu'il y avait des gros joueurs qui ont passé devant lui. Là. Ouais. Mais Lindgren, à part le fait qu'il manque d'expérience, il n'a pas la même expérience que, mettons, Price, mais il est quand même généralement bien positionné. Ouais. Mais il donne des gros retours. Ouais, j'aime juste pas comment il attrape la Puck avec sa mitte. Est-ce qu'il donne des gros retours? Puis la différence de Price, c'est que Price, quand il donne des retours, c'est tout le temps calculé. Il donne le retour, mais il l'envoie où il veut souvent. Lindgren, non, je parle en général. Mais Lindgren, là, quand il donne un retour, mon gars, c'est comme c'est Chris le premier qui appogne. C'est souvent dans les airs. Lindgren va laisser un retour par rapport dans les airs. Il a pitch par en haut. Lui. Ouais, mais ça, c'est pas un peu à longue cuisse. Là, à longue cuisse. Longue cuisse, il y a des gens de retour de même. Ah, lui, c'est dangereux. Lui, quand il donne des retours, longue cuisse. C'est des juicy. Ah, ouais. Mais il est bon, Lindgren, par exemple. C'est toute l'inexpérience. Ben justement, de Lindgren, on a appris aujourd'hui qu'il redescendait au ballage, mais à Laval, là, en fait. Là, mais c'est-tu mieux de le faire jouer à Laval que de le laisser deuxième à Montréal? Ouais, absolument. Ben oui. Voilà. Il va jouer combien de games? À moins qu'on trade Price. Tu vas jouer combien de games à Montréal? Il y a eu 20 games, 30 games? Ben, je l'aurais gardé. Price, il va être capable de gauler facilement au moins les 6-7 prochaines games. Moi, je l'aurais gardé. D'accord, jeune, là, Lindgren. Ouais, va gauler, tu peux le rappeler. Même si, mettons, on pourrait le faire gauler. Ça, c'est le nouvel avantage d'avoir Laval, c'est que tu peux le recaler. On n'est pas obligé de mettre Mimi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux dire, ah, ben, gars, tu gaules la soirée, viens-t'en. T'envoies une IMI avec des roteux. Puis présentement, on a 22 joueurs dans l'alignement et non 23. Ouais. En ce moment, Laval est dans une séquence de défaite. Puis c'est vrai que la défensive est à chier. Fait qu'on voit ce qui s'en vient avec le Canadien. Ben là, ils n'ont plus Gérabec, ils n'ont plus des lauriers, ils n'ont plus. Ils sont un petit peu. On a tout pris perdu quelques éléments. Voilà. Ça, on s'en colle. Mais Jacob Gérabec, par exemple. Jacob. De Laval? Ah ouais, on s'en colle. On a un collaborateur pour RDS qui est justement qui vient de la République tchèque qui nous a fait un petit scouting sur Jerebek parce qu'il suit l'équipe Le Rocket, là, un de nos clients. Et puis, Client de la soirée il nous a dit que il dit surveillez ce gars-là, vous allez être surpris. Ben ouais. Eh ben. De... On se fait dire ça. Puis eh ben. Ben j'ai, on lui donne sa chance parce que lui, ça, là, il a joué combien de games à date, là? Une? Malade. Il a joué une game puis il a bien fait. Ça veut rien dire. Je l'ai vu sur la glace en deuxième période. La première, je l'ai pas vu. À un moment donné, j'ai vu un 28. Je dis, what the fuck is that? Ah, c'est Yerabek. Parce que tout le long, là, on aurait entendu ce gars-là. C'était pas d'accord. C'est qu'on prononce le nom. Yerabek. C'est Yer Jarjbek. Puis lui, ben, pour de vrai, ça, je pense que son nom, c'est Jar Jar. Ça a pris du temps avant que je le voie sur la glace. C'est ça. Puis lui, ce qui est important, c'est que si, mettons, il n'aurait pas monté avec le Canadien le 15 décembre, il pouvait retourner en Europe. Fait que dans le fond, on n'a rien à perdre de l'essayer là. Puis si ça ne marche pas, mais il retourne en Europe, puis son salaire compte même plus sa masse. C'est un esti de fifi s'il fait ça. Ben, je pense pas que c'est ça qu'il souhaiterait faire. Là. Le gars, il a fait le saut pour venir en Amérique du Nord, justement, pour tenter sa chance. Comme chez Pachev. Flop. Tu fais le grand saut à 5 millions. Fucking tapette. Fait que c'est, tu sais, c'est. Il est parti, là. What the fuck, avec une belle facture salée. What the fuck? Il est parti avec. Ouais, mais il est parti en prise de bec avec l'organisation. J'aime pas ça ici. Fait qu'ils l'ont collé. Fait chaud. Non, c'est parce qu'il voulait pas aller jouer dans les mineurs. Non, c'est parce qu'il était pas assez bon que Vegas devait pas. Non, mais il s'est pas présenté dans le camp école, dans le club école. Il voulait pas aller jouer dans le club école. En plus, il a dit, là, le pays centre présentement, c'est lui, mais tu sais, va faire tes classes. Ceci dans la Ligue américaine, t'es pas prêt pour la NHL, puis après ça vient temps. Hier, Arbeck, il l'a fait, lui. Il est allé jouer dans la Ligue. Ouais, mais ils gagnaient pas 5 millions. Ils ont pas le même. C'est pas grave. Ils ont donné 5 millions. C'est qui, Zéba? 4,5 millions. Ouais, mais finalement, ils ont rien réécouté. Ils se sont fait rembourser. Ouais, ils ont remboursé le contrat, sauf que, comme on expliquait au dernier épisode, ils ont donné un bonnet à signature. Faites un film là-dessus, ça a pogné. C'est ça, mais. Je sais pas si vous avez écouté l'émission, le dernier, mais Shpachev, lui, il avait eu un bonnet à signature de 2 millions de dollars, mais Vegas leur a demandé parfait, tu nous redonnes notre argent. Fait que là, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé, là, mais... D'après moi, il va partir avec l'argent pareil. Là. Ben non, Non, le Vegas, ils veulent pas. C'est un petit peu d'honneur. C'est un bonus à signature. Ben oui, mais t'as même pas joué. Ouais, ben les autres, ils ont mal à la facture, ils ont dit, faut que tu me rembourses. J'ai hâte de voir la saga. Légalement, ça passe pas, ça. Légalement... Je t'emmène en cours, tu vas me rembourser. Ben parfait, légalement, viens m'actionner en Russie. Ben ouf, ouais. Ben, il y a des intérêts ici. Ouais, mais je pense que ça s'est peut-être un peu réglé. Il y a sûrement parce que... des intérêts. Ouais, il y a beaucoup de désintérêts. Il y a sûrement une licence Sentra dans le cours. Si on va saisir ça. Parce que, comme on expliquait la dernière fois. Tu te ramènes en Sentra 2003 avec couleur beige et rouille. Mais comme qu'on expliquait la dernière fois, c'est que Yerabek, vu qu'il y avait un contrat de Ligue nationale, la KHL ne voulait pas l'avoir dans leur ligue. Ils ont dit non, tant que nous autres, on ne prend pas des joueurs qui ont un contrat établi dans la Ligue nationale. Fait qu'il fallait qu'il y ait une entente pour que son contrat soit brisé pour qu'il puisse jouer dans la KHL. Fait que je pense qu'il y a eu une entente, peut-être, parce que quelqu'un l'a payé, c'était 2 millions-là, là, pour qu'il puisse aller en Russie. Il l'aurait pas laissé partir sans qu'il paye. Sa maman, il a payé. C'était quoi les amis? Come back home! Yerabek, il a pris la place, dans le fond, de Mété. Fait qu'on fait quoi avec Mété? On le redescend, puis on le laisse aller au junior, même. Puis on attend pour leur pognon. Malheureusement, même s'il est meilleur que bien d'autres défenseurs, Will dans junior. Ouais. C'est bon pour ça. Ça aide mieux pour lui. Il y a des gringolés. C'est normal, la gang des 20 matchs. La gang. Mais c'est tout à fait normal. Mais en même temps, la fameuse gang. Tu peux pas le faire jouer. Tu lui donnes des minutes ou. Puis quand je parle des minutes, c'est pas 8 minutes. C'est clair. Tu lui donnes des minutes pour qu'il apprenne. Moi, tu le renvoies dans le junior, puis il va brûler la ligue. Moi, le fait qu'il downgrade dans les positions, c'est ce que je voyais venir. Je voyais pas, j'espérais pas voir le gars faire 82 matchs à jouer genre. Ben, je m'attendais pas à voir 82 matchs nécessairement, mais je m'attendais pas nécessairement non plus à ce qu'il soit redescendu parce que. Ils ont même eu l'audace de le faire. Tu peux faire jouer 50-60. Tu peux le reposer un peu. C'est 40 games que tu mets ça à 4 un peu. Tu sais, il n'y a rien. Ouais, si tu fais jouer 60 games, c'est correct. 60. Ça manque 20. Ouais, mais là, il a la chance d'aller au championnat junior. Il va faire quoi dans la ligue junior, par exemple? Dominer, comme Sergachev il a fait l'année passée. Ouais, puis Sergachev. Non, mais c'est parce que c'est juste pour qu'il puisse reprendre du pacing, l'expérience. C'est dans le fond, il faut qu'il apprenne à dominer dans la ligue. C'est souvent ça quand tu as des bons joueurs, des studs. Là, tu veux qu'ils dominent dans la ligue américaine ou tu veux qu'ils dominent dans le junior, qu'ils puissent revenir plus fort. Des fois, mais c'est important d'un joueur d'apprendre à dominer. Mais en même temps, tu vas le ramener à un niveau vraiment plus bas. Il va être plus fort que tout le monde. Oui, mais il va pas apprendre tant. Oui, il va apprendre à être plus constant, Hey, il va demi. Quand, ben, c'est, vont, c'est, ils, c'est, vont, c'est juste c'est bon pour le moral. Ils vont lui donner juste comme des affaires, travaille là-dessus, gosse là-dessus, travaille là-dessus. C'est ça, puis s'il domine, tu sais que mettons quand tu finis, le meilleur défenseur de la ligue, c'est écœurant. La ligue, le gros show, t'apprends comment ça marche quand t'es dans le show. Ou quand t'es dans la ligue américaine un peu, mais sinon dans le junior, c'est une autre game. C'est ça le cheminement. Dans le junior, c'est pas grave. Regarde combien il y a de jeunes qui sont tournés. Comment il y a de jeunes qui étaient écœurants puis qui ont dominé dans le junior puis quand ils sont rendus dans la grosse ligue? Non, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire que je te dis. Non, moi, je te... Attends un peu. Non. Ça arrive-tu? Oui, les jeunes qui dominent dans la Ligue junior, ça arrive, qui dominent ça arrive pas souvent. Dans la Ligue nationale, ça arrive non, extrêmement souvent. Tu mélanges les choses. C'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je parle, là, c'est un jeune joueur que tu as repêché, un bon joueur, mais qui n'est pas nécessairement prêt tout de suite. Il s'en va dominer en junior, il connaît une grosse saison, il s'en va dans le championnat junior, peut-être à Coupe Memorial. Quand il revient, là, il est juste plus confiant à ce moment-là, il croit en ses moyens. Oui, il va être plus le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Sergachev. Ben, il va apprendre en crise, il va apprendre à dominer. Pas la même affaire. C'est pas facile d'apprendre à dominer dans une ligue qui est difficile. La même game. C'est pas grave, c'est pas la ça game, tu veux. La tu veux qu'il domine, ouais, Dave. La game junior, tu veux qu'il domine. Tu veux qu'il domine dans le junior. C'est que tu veux que. Tu veux qu'il prenne confiance. C'est bon pour le moral. C'est juste. Hey, c'est ça. Confiance. Hey, ça le booste au bout. Il arrive confiant après ça au camp. Mais c'est quand même pas la même game. Ouais, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de travailler sur sa confiance. Si tu joues, je sais, mais. Si tu joues juste 5-10 minutes à ce type à game. Ouais, exactement. Dans la Ligue nationale. Il va jouer les 30 minutes. Si tu le fais jouer. Ouais, capte-toi. Mais dans le junior, c'est même ça marche, Dave. Ben là, les bons joueurs minutes, vont jouer 25-30 minutes. Ben, ouais, ben Chris, il va peut-être jouer des 30 minutes, là, mais Chris, peut-être pas toutes les games. Là, mais anyway. Ben non, mais souvent, quand c'est des games importantes, il va jouer beaucoup de minutes, puis après ça, il va dominer ça, au championnat junior. Ça, c'est s'il domine. Ben, Chris, on s'entend-tu que Mété, là, s'il joue bien dans l'Ligue nationale, il va probablement être très bon dans ça le junior veut, aussi. C'est pas garant de rien. Ben voyons donc, Dave, ben, s'il est déjà bon dans l'Ligue nationale, il devrait, il sera mais plus ça, bon dans le junior. C'est pas une garantie, mais il devrait. Non, mais c'est sûr que ça va l'être, là, excuse-moi. Là, on parle pas d'un feu de paille. Et voilà, tu viens de dire le mot qu'il faut pas que tu dises. C'est sûr. Ça, c'est rien. C'est jamais. Mais non, mais tabarnak, Chris, il y a juste à le voir aller. C'est sûr. Mais oui, il était cœur, hein? Mais il n'y a rien. Quand Drouin, il est retourné dans le junior, ça, là, avec les Moussets. Tourne-toi pas le pouce dans le même, tracteur ouvert. Quand Drouin, là, il a commencé avec Tampa, après ça, on a décidé de le retourner, là, dans le junior, là. Ça a pris une semaine, puis le gars, il a dominé dans le junior, puis il a gagné à Cup Memorial, en plus. C'est véridique. Il y a tellement d'exemples que je peux te donner. Ouais, là, c'est mais incroyable. Mais c'est pas garanti. Mais ça se fait dans l'autre sens aussi. C'est pas garanti. Écoute, je peux pas croire. Je te dis pas que c'est ça qui va arriver. Juste que s'il joue 10 minutes par game, oui, je suis d'accord, c'est pas assez pour lui. Mais tant qu'à le faire jouer. Fais-les jouer 60 games. Fais-les jouer pour la peine. Puis fais-les 50 games. La saison, là, selon moi, là, est pas bien ben loin d'être scrap pas mal. Là. Parce que là, tu peux garder t'as quoi à perdre de le faire jouer? Ouais, ben parce que c'est pas bon d'aller dans un environnement perdant. Si, check les Oilers, comment ça a été dégueulasse pour plusieurs de leurs gens. Il apprend à perdre. Tu veux pas qu'ils apprennent à perdre, tu veux qu'ils apprennent à gagner. Ils vont apprendre à perdre à Laval. Tu vas apprendre à gagner. Pas à Laval, dans le junior. Ils jouent avec, les Knights de London en plus. C'est correct. Ils sont tous pourris. Excuse les London, ils sont dans la cave. Ben imagine si Mété s'en va là pour monter le club au complet. Ah, mais ils sont pas bons parce que Mété est pas là. Mais non, mais. Non, même si Mété était là, même l'année passée. Non, mais les Knights, c'est une bonne organisation, c'est une bonne école. Ta théorie de gagner, ça marche pas. Hey, malheur. Ça va marcher. Il peut se faire échanger aussi. Moi, là, pour savoir s'il va être bon dans le junior, là, je vais y aller avec une phrase que t'aimes bien dire. Là. Seul l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai, ben, ça, c'est... Genre, on va sortir avec un asti de phrase. Genre, ah, là, de ça se peut aussi qu'il arrive bois, dans le junior, Mété, puis que s'il se fracture le frémur à la première game. Je parle de la qualité du joueur. Puis on va finir la période en disant que Torrey Mitchell a été échangé aux Kings en retour d'un choix conditionnel de 5e ronde. Non! Si les Kings font les séries, il y a un choix de 4e. Fait que c'est un choix de 5e. 5e conditionnel, 4e est conditionnel, 5e assuré. Et je t'ai mis une petite note sur le 4e choix. S'ils font les séries, ce qu'ils vont faire, faire, ça va être un choix de 4e. Bon, je vais en chercher une bière. Ah, puis Jeff a marqué que le choix de 4e ronde en 2018, c'est lui qu'on avait donné en retour de Dwight King. Fait qu'on on va rechercher notre choix de 4e ronde qu'on a donné. Alors la boucle est bouclée, on va en faire une pause. On revient pour la deuxième période. Ciao! On est retour pour la deuxième période. Je l'ai-tu mis timé? Je retrouve mes repères. La deuxième période qui va être palpitante avec ce beau iPad-là parce que c'est la période des extraits audio. Woohoo! Fait que je vais changer de soundboard tout de suite le temps que ça. Congé pour nous autres. Ouais, non, mais il y a des parce que là, Bergevin a des comptes à rendre un peu. Fait que rencontre des journalistes. Ouais, ben je commence à trouver que faut qu'il... Ouais. Motherfucker. Mais ouais, on a des extraits de Bergevin et de Claude Julien. Oh, comment ça me gosse un peu, moi. Claude? Non, pas Claude. Claude, c'est un bel atout. Mais Bergevin, me gosse. Hein. Puis, ouais, Bergevin, on dirait qu'il est un peu au-dessus de ses affaires. Ah, Bergevin est fatigué. Mais c'est là que tu vois que, tu sais, les années précédentes, quand on disait que Terrien puis Bergevin étaient coquilles, les journalistes, en étaient comme, ouais, t'as plus de raison de l'être, là, à un moment donné. Ouais, là, c'est ça. Wow, arrête de faire ta grosse tu game. Tu t'es planté, de fou, là. Ouais, c'est ça, là. Regarde, c'était The Clock is Ticking, mon Marc. T'es trop au-dessus de tes affaires, là. The Clock is Ticking. Puis les affaires de Radulov, là, de la fidélité, achète-toi un chien, hostie. Ben, c'est drôle, mais c'est pas. C'est drôle, mais tu parles d'un joueur de même. Mais ça n'a pas sa place. Regarde la première conférence de Bergevin, comment la façon qu'il parlait aux journalistes, qui était bien plus le fun. Puis maintenant, c'est un petit peu condescendant. Ben, oui, changé. Mais Bergevin, c'est un gars qui marche sur l'émotion aussi, là. Il a fallu que ça date. Non, mais marché, je pense que le marché l'a amené où il pensait probablement. C'est pas une raison ou c'est pas une excuse. Mais là, je pense que la lune de miel est terminée. Le monde, là, non, mais je veux dire, par rapport aux Canadiens, puis je vais juste faire ça vite. Non, vas-y, Alex. Par rapport aux Canadiens, là, je pense que finalement, maintenant, on commence à se réveiller. Le monde commence à se réveiller. Il y a vraiment, le Canadien est déconnecté de sa femme. En guise sur de sa base. Carrément. Oh, vraiment, ouais. Là, pour ça que les billets ont commencé à descendre les prix. Ouais, jusqu'au 8 décembre, ça baisse d'à peu près 30-40%. Ouais, pour les matchs optimaux. Pour les prochains matchs. Puis mais là, ils vont rajouter. Il n'y a pas juste ça. Il y a tout le marketing qui est disconnecté. On est allé au match d'ouverture, moi, puis Dave. À part la présentation des joueurs, il n'y avait rien. La présentation. Il y avait-tu une présence accrue de Yuki? Il y a plein de places dans la ligue. Là. T'arrives là, premier match, il y a un chandail sur chaque calice de bain, man. Un t-shirt. Un t-shirt sur toutes les bancs. Non, non, un t-shirt à toutes les fans. Même la cérémonie. Ça, c'est fucking hot. La cérémonie, c'est un cadeau. Nothing. Ça, on a fucking guéné. Les guinées, t'as ça dans la série. That's it. Pour c'est faire... ça. Mais ça reste une guinée. Non, mais c'est un esti de j'en ai. Ah, ben des fois, on a des cartons, genre. Non, mais bon. C'est pas de recevoir un carton. On dirait que. La photo du club. Non, mais ils veulent pas. On dirait qu'ils s'en calissent du monde. Puis qu'ils disent on n'a pas besoin de répondre aux fans. Fait que c'est en haut du corps, en bas du corps, une preuve des caves. On n'a pas besoin de vous donner l'information. Les blessures qui allaient ça pour la troisième, on va en parler. Là, c'est comme vos gueules. On sait qu'est-ce qu'on fait. Puis on sale. C'est un vos gueules. Oh, les blessures, on sait pas. Mais regarde, en même temps, ce que ça a fait, ça a fait que nous autres cette année, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas allé parce qu'on a toute une soirée de boys qu'on va au hockey à chaque année. C'est la première fois qu'on est pas allé en 5-6 ans de podcast. C'est la première fois qu'on y va pas parce que c'est rendu. Un match la fin de semaine en haut dans fucking zone où que les blancs c'est 150 c'est tabarnak. C'est 100 piastres pour être dans la zone Molson X. Ah, tu quittes des bleus. Tabarnak! Eh oui. 100 piastres! Attends un peu, là, c'est parce que 100 piastres aller à 95. Game. 100 piastres aller à game. J'ai pas bu de bière encore. C'est une bière par période à peu près. Fait que 12 piastres de la bière. Fait que t'es rendu à 40 piastres de bière au centre-ville. T'es rendu à 140 piastres. Un souper, 30-40 piastres. T'es rendu à 180. Park toi. Après ça, park toi. C'est un autre 15 piastres. T'es rendu à 200. Boum! Bing bang. Ouais. Voilà. C'est dégueulasse. Après ça, même à saut danseuse. Dans le sauna. Là, si Sherry Lynn, elle coûte 15$ le drôle minute. Après ça, c'est 3 minutes. Ben chaud, tu te ramasses aux masseuses. C'est 90$. Tu sors ta soirée, t'as coûté 500. Mais tu y vas, tu sais, parce que vite qu'il faut y aller. Non, mais tu veux te faire une étude par une professionnelle, rajoute un 200. Ben, sérieux, cette année, j'aurais même. Trop chaud pour revenir, si tu payes une chambre d'hôtel. C'est j'aurais même pas été à 50$. Ah non, c'est trop de la merde. Je veux dire, moi, c'est hors de question, j'allais voir le CR cette année. Premier badge d'extrait audio, il y en a 3. À 50$, j'aurais été. Non, là, moi, pas encore. De Bergevin, après avoir embauché ma tante Niemi. Donc, sa première, son premier extrait, c'est pourquoi il a embauché Niemi. Tati Noémi. Tati Noémi. Ben, premièrement, avec la... En ce moment, on a deux jeunes gardiens. Charlie et Zach. Zach. Avec Al Montoya, une commotion cérébrale, ça peut être 2 semaines, 2 mois, 3 mois, j'ai aucune idée. Puis, wow, c'est ça. Ben, rare, on est chercher un gardien d'expérience. Alors, si, un exemple, si Charlie se blesse tantôt, là, on tombe à Zach, puis on. McNiven, alors, tu sais. Comme Vegas. Une chance de chercher un gardien d'expérience au balotage. Puis, avec la situation, surtout avec Al Montoya, on voulait protéger l'organisation. Dans les filets. Dans les filets. Ben, c'est correct. Ben oui, c'est bon. La réponse est... Bonne explication. Très belle réponse. Voilà. C'est vrai qu'il y a un air condescendant. C'est la seule affaire à dire, Rosti. Dans ce cas-là, oui. Il n'y a rien à dire. La question est presque inutile. Voilà, la réponse est dans la question. Pourquoi tu es allé chercher un Tiniemi? Calisse que c'est plate à répondre. Je peux comprendre, ça doit être fucking... Pourquoi tu t'es su après avoir chié? Ça fait partie de ta job, par exemple. Ça doit être blasant. Pourquoi tu t'es su après avoir chié? Là, tabarnak, c'est assez évident. Ben, les journalistes. Tu t'es su de la gauche. Les journalistes. Son deuxième extrait, on lui a demandé c'était pour quand le retour de Price, puis ça, cette question-là revient souvent dans les questions à Bergevin. Fait que on c'est une réponse de marde. Ouais, non, mais écoute, non, j'ai blessure, que ce soit Carey ou n'importe quelqu'un d'autre, c'est jamais noir et blessé. Tu fais une fracture au pouce, 6 semaines, mais là, c'est un petit peu plus long que 6, ça peut être 7 semaines. T'sais, c'est jamais clair, alors. Ouais, c'est pas clair. Il y a toujours il y a des joueurs qui c'est plus vite, il y en a que c'est moins, il y en a que c'est directement au time frame, alors j'ai aucune idée, mais comme encore là, c'est rien de majeur. Puis Carey, je pense qu'il vous a confirmé ça ce matin. Je ne te cacherai pas qu'on commence à tranquillement repenser à ce qui s'était passé il y a 2 ans justement avec les. Mais c'est pas la même dessus du tout, là. Non, mais je parle pas nécessairement, mais je veux dire dans la situation où c'est mineur, finalement c'est un petit peu plus long, finalement c'est un petit peu plus long. Puis, Je me souviens, à l'époque, il s'est blessé au mois de novembre, je pense que c'est le 25 novembre, puis nous, on nous avait dit de 6 à 8 semaines. Alors, c'était plus long. Mais là, c'est, j'ai jamais été de 6 à 8 semaines. Là. Mais encore là, bien sûr, c'est jamais. Day. Encore là. Mais là, finalement, c'est demain qui revient. C'est pas vrai. Après, c'était 2 semaines. Puis après ça, c'est devenu 6 à 8 semaines. Puis après, c'est vrai. Ben, il est revenu pour s'est blessé. Quand là, c'est blessé Price. Ben là, on voyait revenir. Ça sent l'air que ce serait au réchauffement. Après le match, c'est wild. Non, c'est au réchauffement du match. Mais ça fait quoi? Ça fait 2-3 semaines de ça? Il avait pas voulu en parler parce qu'il y avait eu une défaite, puis il voulait pas passer ça comme si. Ouais, va voir le soigneur à moi, ce que je pense, c'est oui, il y a peut-être une blessure, mais tu sais, ça allait pas bien le début de saison. Elle était peut-être pas si intense la blessure. Prends ton temps. On va gérer la situation. Remets-toi sur le dos. C'est sûr que le Canadien ferait ça. Parce que c'est que prends ton temps, mais on est prêt à perdre des matchs puis à pas faire série. OK, puis là, soudainement, il revient puis tout va être bon. Ben, moi, je pense qu'il n'y a rien caché. Il n'y a pas de conspiracy theory là-dedans. OK, mais c'est parce que. Il est blessé. Je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, dans. Ils ont dit si on était en train de se battre pour une place en série ou si on était en série. Lui, il a dit non, c'est Price, il a dit si on serait en série, je serais. Donc ça confirme une chose. La blessure, là, est pas si grave que ça. Il veut juste la guérir pourquoi plus longtemps. Mais ça, là. Ils ont dit c'est comme ça. Ils ont besoin de gagner. Dans ce temps-là, quand Kelsey Lindgren allait bien. Mais ça, il faut en parler aussi de. Depuis quand qu'un joueur blessé sort faire une conférence devant un journaliste pour c'est parler de sa blessure? Ouais, mais Montréal, whatever, ils sont à Montréal, on s'en fout. Il y avait trop de bruit. C'est parce fou, que. Mais pourquoi ouais, il ouais. Price, il s'en va quelqu'un d'autre? Je pense que c'est correct. Non, parce que, non, mais c'est correct, mais c'est parce c'est que. C'est normal. En même temps, c'est parce que. Le fait. Non, c'est parce qu'en même temps, l'organisation ne fait pas la job. Mais l'organisation n'est pas transparente, premièrement. Il laisse. Non, c'est ça. Ils mettent la petite balle. Des mains à Price. Ben, c'est pas juste qu'ils mettent la main des balles à Price, c'est que, genre, ils mettent non seulement la main. La balle des mains à Price. Les mains des balles à Price. On dit n'importe quoi, il pogne les balles, ok, puis il dit éteins mon hostie, je te tiens par les couilles. Puis il dit. Il dit comme toi, tu viens de dire, mettons. Genre, toi, arrange-toi avec ça. C'est à toi de s'occuper de cette situation-là. Mais en même temps, tu sais, Price, lui, arrive, puis Chris, il a une blessure, mais ça devrait pas. Pas si grosse que ça. Il pourrait jouer. Faut comme qu'il justifie la patente. Price, là, il dirait bien plus aux médias s'il se faisait pas contrôler par l'organisation. Dire là, parle pas. C'est pas normal qu'il le fasse en même temps. Non, mais. Parce que les gros joueurs, souvent, le font, man. Dites-les. C'est juste la manière que ça a été fait. Dites-les. Price s'est blessé à telle place. Ça serait juste le coach ou le GM qui dit. Ben oui. Non, mais juste une petite déclaration bien simple, genre, c'est ouais, je suis blessé. Day to day, c'est pas rare les grosses vedettes dans la ligue qui font ça. Là. Ah oui, mais pourquoi que Montréal conserve un hostie de culture du secret? Ah, ben ça, on va en parler en troisième période. Ah, merci, Bob Gaining. À Montréal, on en parlera tantôt, mais c'est le sujet chaud en troisième. En passant, Austin Matthews, ils n'ont jamais dit la blessure, c'était quoi? Non, ils ont tout le temps dit c'était au-dessus du corps. That's it. Ils n'ont rien dit, c'était secret. C'est la même hostie d'affaire à Toronto, man. Ben c'est ça, c'est pas chez Montréal, faut faire attention de ce qu'on dit. C'est la même affaire à Toronto. C'est ça d'un gros marché. Troisième extrait, ils ont demandé pourquoi préférer Niemi à Foucalé. Fait qu'on va écouter ce que le bon Marc avait à dire. Ben, il n'y a pas d'expérience dans le national en partant. Puis, qui ça, à Foucalé? Foucalé, oui. Ouais. Il a joué la majorité de l'année dans l'East Coast Hockey League. Cette année, Laval avec Charlie. Alors, un gardien, c'est plus long. Hein? Un gardien, c'est il vient de maturité à l'âge de 24-25 ans. Alors, il a encore beaucoup de temps. Mais c'est certain qu'encore là, pour venir à la situation avec Kentini, on va chercher un gardien d'expérience qui a déjà eu du succès national, alors ça nous donne une police d'assurance. Mais attends, Niemi, la police d'assurance. Fais-les pas gauler, c'est fou calé, c'est parce que ça va nulle part, c'est-tu, le gars. Ben, moi je pense que Foucault, il sera pas le successeur à Price comme il nous disait quand ils l'ont repêché. Probablement plus Lindgren si on réussit à le garder avec le temps, là, parce que Lindgren il est pas si pas si loin là. Fait que là, dans la ligne, d'après moi, 2-3 ans à match. L'année prochaine, moi, je la graine de nain n'est pas très loin. L'année prochaine, bye-bye. Tu penses qu'il va être deuxième? Il va être adjoint? Ouais, ça veut dire qu'il va souffler dans le cou à Carey. Non, ils vont faire comme un Cam Talbot. Ils vont faire comme un Cam Talbot. Ou l'autre, là, Corey Schneider. Ils vont faire gauler, genre... Gauler 20 games, 25 games. Autour de pas 30. Non, mais après ça, il va faire trade. Qu'est-ce que tu lui donnes pas beaucoup de temps? Ouais, mais c'est ça, un adjoint, Dave. Il va pas rouler 42 games. Puis à un moment donné, si Price se blesse, il va rentrer, il va peut-être super, il va shiner, puis après ça, on trade. Comme à New York, quand Lundqvist s'est blessé pendant 2 mois, puis que Cam Dodd, il avait gardé le fort. Puis là, Cam Talbot, il soque cette année. T'sais. Ben ouais, mais ça, c'est pas. Il a connu une bonne saison, n'est pas passée. Avec De Bergevin, on passe à Claude Julien. Ah non! Julien a fait une petite conférence après la défaite gênante contre les Coyotes de Phoenix. Justement, il va parler d'être gêné de la défaite, là. C'est plus gênant que frustrant. Inacceptable. La façon qu'on a joué en première période, puis de ne pas être capable de garder ta concentration pour deux autres périodes. Et puis, ça fait 2 jours qu'on en parle de cette équipe-là, qu'il faut faire attention, puis de bien gérer notre match, puis la situation. Puis on est vraiment désappointé ce soir. Hey, on en a un qui parle française. Ouais, sauf il a fait un beau texte jusqu'au dernier mot. Il est quand même meilleur. Sauf jusqu'à être désappointé. Mais il s'est tout insufflé. Mais il sort souvent des anglicismes. Oh, ouais, comme moi, je pensais que désappointé, c'est un vrai mot. Mais non. Ouais, c'est désappointé. Non, mais on dirait qu'il vient de monter une petite braquette de marche. Il vient courir en haut des marches. Il y a aussi le fait que... Il disait, là, ça faisait 2 jours qu'il préparait l'équipe aux Coyotes, puis ils ont perdu. Fait que, tu sais, dans le fond, comme tabarnak. C'est comme si, dans le fond, c'est pas la raison pour être essoufflé, calice. Non, mais, tu sais, il devait être en crise, puis il devait manger ses mots, je pense. Ah ouais. Non. Il articule très bien. Drôle, le sti. Il veut donner un entraînement punitif aux joueurs. Mais il peut pas, il a pas le droit à la convention d'interdit. Il veut donner un entraînement punitif aux joueurs, mais on dirait que c'est lui qui s'est donné un entraînement punitif, Chris. Hein, c'est pas comme c'est moi qui y va. Il va pas dire, excusez. Moi, les pédalistes. Oh, après ça, il a demandé si c'était fait là. J'ai fait du bike pour 45 minutes. On lui a demandé si le team avait perdu à cause qu'il y avait trop de surnoms. La défaite contre... C'est pas supposé. Ah. Je pense que c'est... OK. Fuck de... Excuse. Hein? C'est pas supposé. Je pense que c'est une bonne concentration. Je vais mettre sur soundboard. Il n'y a aucune excuse ce soir. Aucune. Il n'y a aucune excuse. Aucune. On peut prendre, la responsabilité. On peut en parler. Mais j'aimerais mieux le voir que de t'en parler. On avait l'occasion ce soir de montrer qu'on était capable de jouer 60 minutes, garder notre concentration. On ne l'a pas fait. C'est que ça, c'est notre responsabilité. Sa voix a comme étouffé. C'est pas supposé. Je pense que... C'est pas supposé. Il s'est étouffé. C'était pas son meilleur avec ça, celui-là. Il faut que je trouve les meilleurs moments. Fait que finalement, Terrien, on s'en ennuiera pas si longtemps, je pense. Lui, la gorge sec. Terrien, on dirait qu'il avait trop de bave. Mais là, il y a comme un mason qui a passé pendant qu'il parlait. Quand tu l'écoutes avec des headphones, c'est vraiment pas pareil parce qu'il te parle direct dans tes oreilles. Fait que c'est comme si tu parlais au téléphone. Quand tu le regardes, mettons, à la télé. T'as comme un son ambiant dans la maison, t'as quelque chose, tu perçois pas les petits détails, t'accroches pas sur les mêmes crises de détails. Nous autres, avec les fonds, on attend toutes les petites crises d'erreurs. Tu t'entends quand il mange sa gomme, là, t'es comme... Fait que de Julien, on retourne à Bergevin, qui a fait une conférence de presse après la rencontre des DG à Montréal, et puis on lui a reposé, après 4 jours, encore une fois, les mêmes questions au sujet de Price. On va écouter sa réponse par rapport, encore une fois, aux mêmes questions. Ouais, on joue ses mots. Tu te casses un doigt, c'est mineur, mais ça prend à peu près 6 semaines. Mais c'est pas une grosse blessure, c'est mineur. Fait que c'est encore une blessure mineure, c'est juste que ça prend plus longtemps. Je comprends nos partisans, puis c'est frustrant, mais écoute, je suis convaincu, puis je sais que Carey va venir au jeu le plus tôt possible. Puis, encore là, moi, pour l'instant, je te dis la vérité, ça devrait pas être long, mais j'ai pas une date précise de son retour. Ouais, c'est ça, c'est tout ces affaires-là. Là, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, mais yeah, non, genre, tu sais, Price... Ben, c'est juste la manière qu'il répond. Si on était dans une série, il jouerait, mais je te dis la vérité, là. Ça, c'est comme quand tu jases avec un boss à job, là, que tu fais comme... Ah, si j'ai pas le gros bout du bâton, puis... Il va dire ce qu'il veut. J'aimerais dire. Débattre mon point, mais il va me dire ce qu'il va dire, puis c'est lui qui va closer le deal. Tu sais, je fais comme bah, ok, fuck. Ouais. Puis tu t'en vas là, puis tu sors de là, puis tu dis, tabarde. Le dernier exemple pour Bergevin. J'ai avancé zéro. Là, c'est, on lui a demandé à Bergevin c'était quoi le plus gros problème en ce moment de l'équipe actuelle du Canadien. Personnellement, moi, puis j'en parle beaucoup avec l'autre, c'est l'ensemble de jeu en général. C'est boire. Écoute, on a fait regarde c'est vague. C'est toute l'équipe. Comme exemple, deux jeux de puissance, trois en troisième période, trois jeux de puissance, on donne des breakaways. T'sais. C'est l'ensemble de jeu. On joue une bonne première, puis après ça, on... Trois jeux de puissance. C'est frustrant parce que tu t'essaies de... J'ai tellement confiance en Claude et les adjoints. Le message est là. Ça a l'air. On dit toutes les bonnes choses, puis les joueurs vont le faire, mais c'est pas constant. Il y a toujours un manque de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Puis ça nous fait mal. 60 minutes. L'exemple hier, c'était flagrant. Ouais, ben quand ton DG dit ouais, le jeu d'ensemble, puis en général, l'équipe toutes est pas joueurs, bonne. Ouais, toutes les joueurs, là, moi, là, tout ce qui sort là, de l'organisation là, du CH, là, la seule affaire que je réentends, là, c'est genre. C'est le fun de jouer avec Piqué. C'est le fun de coacher Piqué. Je suis comme. Ça, puis la photo. C'est un pur sang. La photo du câlin entre Pacho et Piqué. Non, tout va bien. Oh, Piqué puis là. C'est tout, les opérations là, médias. Ouais, ça, on va parler en troisième des opérations médias. C'est moi, puis Piqué, c'est le fun de coacher Piqué. Ouais, j'aime ça, coacher. C'est le fun de coacher Piqué. Puis t'aimes ça, René c'est Bourque, lui. René, il est mieux de comprendre. Dernier extrait qui nous reste, puis c'est Claude Julien, puis c'est ce qu'il avait à dire après la défaite de 6-0 contre les Maple Leafs de Toronto. Fuck. Oui, c'est sûr que tu as changé. Faut que je le reparte. Ah, il y en a deux bonnes personnes. Il est bon. Oui, c'est sûr que le rythme a changé. Calme, je peux pas écouter ça. C'est quoi ce son-là? Ça sort de où, ça, quand il était... Oui, c'est sûr que le rythme a changé à ce moment-là. Je pense pas que le deuxième but, c'était nécessairement causé par le letdown du premier. Mais c'est sûr que ça l'a changé. On avait joué du bon hockey jusqu'à ce moment-là. Puis, écoute, encore, là, tu sais, des erreurs. Comme tu dis en anglais, fundamental mistakes. Ça nous coûte très cher. Fundamental mistakes. Hey, ça n'a pas de bon sens pour vrai, ça. Oui, c'est... On dirait qu'il y a un truc qui brègue à l'air de lui ou je sais pas quoi. C'est du golf cart. C'est le golf cart sur genre le... Tu sais, c'est quand c'est lisse à terre, ça fait vraiment dans l'aréna. Comme quand tu sors au mille de la gauche entière, là, ou à Bonaventure, tes pneus, ils quittent. Ah, aïe, aïe, je sais pas où je vais le remettre. Ah, oh, c'est trop bon. Si l'iPad peut aller plus vite, ça aiderait, là, mais ah. Ah, oui, c'est sûr. C'est là aussi, pas vrai, par c'est pas supposé. Je pense que c'est. Ouais, faut que tu gardes. Il vient de me tuer là. Finalement, je pense que le bon Claude va être popé pour les extraits audio. On l'a trouvé. Ça va être d'avoir une saison médiocre. Ben, c'est sûr que les gars, ils parlent, puis ils sont comme... Ça puis après ça, ils vont... Claude a ses moments de magie, là. Mais là, Claude, je m'inquiète pour sa santé, là, de plus en plus. Il est le souffle court un peu. Ah, mais c'est rough, Montréal. C'est rough, Montréal, là. On dirait que sa peau devient plus molle, ses joues, non? Depuis quand ça devient essoufflé à parler, parce qu'il faut que tu fasses une conférence de parole. Il va prendre 10 ans dans les prochaines années. Ah, mais il est en tabarnak, lui, là. Il doit pomper du cœur. Ah, ouais, c'est clair, là. Il doit prendre son pouls régulier, là. Je te dis. C'est vrai qu'il y a de monde qui check son pouls puis il se fait alerter tout le temps. Faut voir s'il a commencé à fumer. Il s'est remis à la check sur les doigts jaunes. Ouais, c'est ça. Il faut chercher des signes de même. Mais quoi? C'est vrai que le gars qui lave les serviettes dans la chambre sente si les serviettes sentent la cigarette ou pas. Le préposé aux serviettes. Tu sais, quand il fait un dessin au tableau, check comment il check s'il tient son crayon. S'il tient son crayon de même. Comme une cigarette. S'il prend une puff de son crayon, son marqueur. Il y a un mauvais réflexe. Oh, une puff de Sharpie, oh, là. Fait que c'est la fin de la deuxième période. On vous revient en troisième et on va parler justement des blessures et du cas de Carey Price en troisième période. On revient en onde, on revient en onde, on revient en onde. J'ai ça dans mon char. J'ai ça dans mon char. Je pense que j'en ai dans mon char. Oh, moi, là, je crisse mon camp. Moi, j'ai une game, il va manquer le warm-up. On est retour pour la troisième période. J'ai ça dans mon char. Les boys. T'as-tu un condom? Ah non, j'en ai pas. Attends, j'en ai dans mon char. Ça, c'était avant que Patrick Labbé il parle avec comme des genres de boules dans la gueule. C'est ah, avant qu'ils se mettent des genres des cotons, pas des cotons-tiges, là, mais des boules de coton. Des boules de coton dans la gueule. Patrick Labbé. Patrick Labbé juste avant qu'il devienne un trou de cul. On dirait qu'il y a tout le temps un genre style. C'est pas Patrick Labbé qui faisait ça. Mm-hmm. Ben oui, c'est lui qui faisait Mario. Ben oui. Mais c'est pas Mario, c'est Messi. Comment ça s'appelle? Ah, c'est avec Marc Messi, ça. J'ai ça dans mon champ. Ah, je pensais avec l'autre. Ça va faire. Moi, je crisse mon camp. Ah, oui, c'est lui qui crisse son camp dans sa salle. Moi, je vais manquer le warm-up. Bob! Bob! On mélange avec l'autre. Qu'est-ce que je fais là? C'est-tu y arrivé d'abord? Là, t'as pas tac. Oui, j'ai une urgence. Là. Alors, la question, parce que... Attention à tes doigts. On fera pas un run de NHL parce qu'on s'en crisse. Parce qu'il se passe trop longtemps, je l'ai dit. Qu'est-ce que ça dit? Il se passe rien autour de la Ligue nationale. Fait qu'on va parler du Canadien encore. Puis la question pour la troisième période... En fait, on s'en calisse. Mais en fait, ça fait partie un peu de la NHL aussi. Fait que je pourrais mettre le thème d'abord. AHL, nos grelots. Around the NHL. Ouais, t'es fort en crisse. Fort, tabarnak, ça. C'est la version non grelot. Le prochain épisode sera... Oh, thanks. Ouais, Mark, le micro t'es fermé. Le prochain épisode sera avec grelot parce que ce sera le prochain. Ouais, mes meilleurs commentaires sont off the record. Ouais, moi, je suis off mic seulement avec mon micro à off. La question, est-ce que les équipes de la NHL devraient dévoiler la nature exacte des blessures? Absolument. Tour de table. Oui. Absolument. La NFL le fait. Donc, moi, je prône qu'il le fasse. Parce que la NFL, c'est un règlement dans la NFL? Non. The League of Denial. Puis dans la NHL, c'est Bob Gainey qui a commencé ça. Avant, on le disait. Puis Bob Gainey, c'est lui, esti, qui a parti ça, man. Avec les esti de Montréal, blessé en haut du corps. Puis après, c'est toutes les autres équipes qui ont suivi. Mais c'est lui qui a commencé. Mais pourquoi? Parce que dans ce temps-là, contre Boston, il était plus cochon, puis il a tendance à frapper les joueurs où il avait mal. Fait que Gainey s'est fâché, puis il a voulu protester ses joueurs à ce moment-là. Boston était plus cochon, ça. Non, mais ça date à cause des playoffs contre les Bruins. Ouais, les playoffs. Mais les playoffs, ça a toujours été de même. Ils n'ont jamais révélé les blessures, parce que quand tu es en playoffs, tout le monde sait où le gars est blessé. C'est sûr qu'ils vont faire par exemple frapper où tu es blessé. Dans la NFL, le gars, il va se faire plaquer en esti. Mettons qu'il y a une extension de l'épaule. Il va quand même jouer, puis il va plaquer, puis il va se faire plaquer, puis il va peut-être se péter l'épaule. Puis le gars, il visera pas l'épaule, mais il va juste jouer. Alex, le gars, il va se faire plaquer. Ça change quoi? Ouais, mais ça a toujours... Alors, viens, mais que tu sois plus blessé. Ça a toujours été de même dans les playoffs. Ça commençait dans les playoffs dans le temps. C'est-à-dire, il dévoilait pas de blessure. Non, il disait juste qu'il est blessé. Il disait qu'il est blessé, mais il disait jamais où. Là, dans ça commençait comme dans ça. Dans une série, je peux comprendre parce que la série, tu joues pas longtemps. Mais dans une saison. Dans une saison, là. Dans les années 90, ça joue pas le même jeu, il disait pas juste en playoff. Sinon, il disait il est blessé à une épaule. Il est blessé assis. Il disait tout le temps. La question qu'on devrait se poser, c'est une couille. Là, je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais tu sais, dans le fond. En tant que partisan, nous autres, à quoi ça nous sert de savoir que le gars il est blessé? Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à tout. Au coude. Ça sert à éviter tout le style de cirque que tu vois présentement. Voilà. Okay. Ça évite d'avoir des blocs de rumeurs. Ça évite d'avoir des 25 Stanley, d'avoir genre du des spéculations. Ça évite la femme de Carey Price qui sort, qui a l'air clairement d'une affaire de Mirador quasiment qui a été faite. Oh mon Dieu. Ça là. Avec le style de photo dégueulasse, là. C'est ça que le Canadien a besoin. C'est des opérations médias. On va faire des conférences de presse pour annoncer des conférences de presse. Mais en même temps, le fait qu'elle soit obligée de faire ça, c'est pas normal non plus. C'est dégueulasse. C'est triste. Moi, je trouve qu'elle a bien fait. Mais c'est pas normal. Moi, je trouve. Je serais en crise que ma femme soit obligée de faire ça, que ça l'a assez dérangé que sûrement qu'elle a déjà dit fais pas ça. Parce que là, peut-être qu'elle, ça l'a piqué, puis ça a dit là, tabarnak, ça a pas. Faisons un tour de table, justement. Elle t'a impliqué des rumeurs. Je serais extrêmement surpris, oui, c'est sûr, mais je serais extrêmement surpris que Price était pas au courant qu'elle était pour faire ça. Ah, c'est ça qu'elle vient de parler. Il y a eu un consentement de patente. Peut-être qu'elle a dit là, j'en ai assez. Je pense qu'elle fait ça sur la balle, genre. Price doit être mieux. Elle fait pas ça en faisant un petit... Elle fait pas ça en faisant un petit galette de rivière comme veut... mallette. Encore là, on spécule. Encore là, on spécule. Ça veut vraiment pas dire qu'elle a appelé Carrie. Hey Carrie, là, je vais écrire ce message-là. C'est-tu correct que je mets hashtag chill out? Si, ça se peut qu'elle dit là, tabarnak, ça va faire. Non, mais tu sais, Price est tellement de la gelée pis mou. Bébé, je t'ai dit de pas faire. Mets-toi en pas. Je suis qu'il dit rien, Price. Il était en train de filmer son gars. C'était possible. C'est peut-être que Price a rien dit. Il a juste fait comme chill out. Chill out, bitch. Je vais te leur dire à toi, chill out. Il y a des idées pour le hashtag. Moi, je réponds pas à ça. Moi, je pense que c'est pas sa vraie femme. C'est un front. Ah non, mais hey, on étale-tu les rumeurs qu'on a entendues? On pourrait non, mais... les étaler, ces rumeurs-là. Mais... Hey, c'est quoi les rumeurs? OK. Non, mais t'as peu. OK, tout ça... ça, c'est bon en crise, par exemple. Tout ce cirque-là, ce que ça a amené, c'est que Price, là, il était pogné dans les affaires Me Too. Là, après ça, c'était genre Price veut se faire trader à Vancouver ou je sais pas quoi. Ah, il y a ça, c'était que la femme voulait Non, il y en a un que c'est lui qui demande le trade. L'autre, c'est à cause que sa femme veut trader. Ouais, c'est ça. Il y en a un, moi, celle-là, j'ai entendu. Il s'est fait le pogner à coucher avec une mineure. Moi, j'ai bien aimé celui qui a. Toute l'affaire, t'as camouflé par le système de justice. Puis tout le monde attend qu'il se fasse trader. Ah, oui. Imagine, ça arrive. La police a caché. Une accusation pour attendre que le Canadien... La police retient les mains. Quel pouvoir que le Canadien a sur la société québécoise? c'est ça, la police respecte pas les lois. Ouais, c'est ça. Il y avait une rumeur qu'il y avait couché avec une agent du SPVM aussi. L'affaire avec une noire à Carignan, je sais pas quoi. C'est ça, sex tape avec des gars. Sex tape avec les frères Costil, les deux frères en même temps. Ouais, mais selon vous, parmi tout cet hostie de bassin de rumeurs-là, ça se peut-tu qu'il y ait comme... Non, sortir. Quand ils voient que c'est en train de péter tout et bord, de patiner partout, juste sortir. Puis je sais qu'elle se passe parce qu'à cause de nous autres, là, ici, les fans puis tout, qu'on les, dans le fond, on est un peu cave. Là. Ouais, mais le, oui, l'organisation est obligée de sortir. Puis dire, mais gars, c'est ça vos fans anyway, fait que faites-le. Fait juste sortir. Bon, Carey Price est blessé à telle place, ça va prendre tant de temps. Tu penses vraiment qu'ils vont faire mais ça? Je sais qu'elles sont pas obligées de le faire. Quand on a dit tantôt que ton fan base fanbase in-mind, ici. OK, fait mais, que sort, mais ça se peut-tu aussi, qu'ils veulent tellement, mais tellement protéger le joueur, mettons, là, qu'ils vont dire, tu sais, on n'a jamais su la blessure à Price là, dans les autres années. On n'a jamais su exactement c'était quoi. Ben, on ne savait pas que c'était le genou. Laine, le genou. Ben, tu protèges quoi? Il a signé 8 ans avec mais toi. Mais justement, tu veux pas que le monde, les fans commencent à parler. Les autres, ils pensent au drame à Nashville ou whatever, man, à Phoenix. Que, regarde, les autres organisations n'ont pas besoin d'expliquer, nous autres non plus. Mais tu n'as pas les mêmes fans ici. Non, c'est vrai. Adapte-toi à ta clientèle. Mais tu penses-tu vraiment? On vient de dire tantôt, en première période, qu'ils ne respectaient pas le fanbase. Ils sont encore allés. Mais ta clientèle est folle de même. Mais à un moment donné, sort, puis juste toi. Le monde va finir par cette année, puis le jour où il va y avoir des jerseys à la glace. Là, Non, mais ça fait beaucoup plus de dommages à Price d'essayer de le protéger de sa blessure là, pour le futur. Ça fait beaucoup plus de dommages à Price, à sa vie privée et à tout le monde que ça part de tout et basse. Puis, pour sa femme, ça fait plus de dommages à sa vie personnelle que juste dire écoutez, les boys, me souffler la cheville. Bon, ben d'abord, dans ce sens-là, je vais aller dans le même sens que Mark. Pourquoi d'abord ils cachent tout puis ils le font pas, ça, sortir. Genre, OK, ben, gars, c'est ça la blessure pour faire la gueule à tout le monde. Les Canadiens, ils se pensent au-dessus de ça. Ils devraient faire ça dans ce cas-là. Non, ils se pensent au-dessus de ça. Parce que Chris, à un moment donné, wake the fuck up. T'es en train de faire de la merde. Fait que si tu fais tant de merde, c'est-tu parce qu'à quelque part, il y a quelque chose peut-être. Après ça, ils vont dire, ah, les joueurs veulent pas venir jouer à Montréal. Le marché est dégueulasse. C'est comme Marty dit, il y a peut-être quelque chose qui va pas trop loin de la vérité là-dedans. Moi, quand j'entends un paquet d'affaires qui abondent dans le même sens, je me garde tout le temps une réserve de dire ça se peut. Non, parce que c'est la partie facile que tout le monde s'agrippe dessus. Non. Hey man, Alex, je m'approprie pas cette partie-là. Je m'approprie un léger pourcentage de ça se pourrait. Là, ça se peut-tu que la femme à Price a déjà dit à quelqu'un si pour de vrai là, ça serait le fun de vivre à Vancouver, on serait proche de sa famille puis de ma famille. Puis là, ça a été monté. Elle est allée compter ça à un de ses amis. Puis là, son ami l'a compté à quelqu'un d'autre. Puis là, quelqu'un d'autre dit hey, Angela Price, elle veut se faire trader à Vancouver. Pow! Pow, man, ça sort des mines. Ah, c'est le téléphone arabe. C'est ça, je pense c'est plus des choses comme ça. Moi, ce qui me gosse là-dedans, là, c'est que dans le fond et tout, là, c'est que les Canadiens ont vécu cette histoire-là l'année passée. Là, deux ans avec Price. Puis, hostie, Chris, on dirait qu'ils sont ça. Mais ils apprennent pas, quoi. C'est le même hostie scénario. On savait que c'était le genou. On savait que c'était le genou. Ouais, mais c'était quand même pas clair. C'était pas comme c'est le genou. Non. Ils ont pas dit c'est son genou. Mais non, je pense que c'était déclaré dans la fenêtre. Il s'est blessé au genou gauche ou droit, je me souviens pas c'était lequel. On dit genou. Pensez-vous que c'est vrai que les joueurs ne veulent pas venir jouer à Montréal à cause de toutes les rumeurs et des blogs? Moi, je pense qu'il y en a qui ne veulent pas à cause de la pression. Parce que si c'est le cas, c'est la faute du Canadien en esti si les joueurs ne veulent pas venir jouer à Montréal. Parce que c'est eux qui font que les rumeurs partent. Il y a plusieurs facteurs. Parce qu'ils ne savent pas dealer. Non, il y a plusieurs facteurs. Je pense que c'en est un facteur. Oui, ça, c'en est un facteur. Je ne blâmerais pas l'organisation, par exemple. Moi, je parle des impôts, c'est les médias. Parce que l'organisation est A1. C'est tous les joueurs qui ont passé. Non, mais c'est les médias qui en font un plat sur belles affaires. C'est tous les facteurs. Aggravant, même ça, ben, tout ce qui est autour, qui entoure le team. C'est fucking là, mettons, Donald Beauchamp. C'est plein de petites choses qui font un gros amont de cochonnerie qui fait que tu y penses deux fois en calice avant de dire ouais, je vais. Ben, c'est comme le cavalier, il ne pouvait pas venir à Montréal à cause justement la pression médiatique. C'était une mallette. Puis il y a d'autres marchés de même. À Toronto, ça ne doit pas être bien, bien. Brière, il a déclaré en radio en 98.5 que lui, il n'est pas venu à Montréal parce qu'il s'est fait appeler par des Québécois pour lui dire viens pas à Montréal, tu n'auras pas de vie privée. Fait que il est signé à Philadelphie. Tout le monde connaît les joueurs. C'est des vedettes tabarnak. La vie privée, à un moment donné, c'est quoi? Il n'y a pas des caméras pour certains joueurs. C'est important. C'est pas des vedettes partout. Si tu joues à Tampa Bay, tu peux aller t'asseoir au restaurant. T'es en Floride, tu vas t'asseoir au restaurant. Tu vas manger. Il n'y a personne qui va te regarder. Personne va te demander un selfie. Si en Floride ou à Tampa. Mais tout le monde qui joue à Montréal dit l'énergie du Centre Bell, c'est électrisant. Mais deal with it. Les fans sont passionnés partout avec les Canadiens. Il y en a qui sont capables d'y aller, d'autres qui sont pas capables. Oui, mais ils ont le choix de pas y aller. Ils ont le choix, mais c'est toutes des petites crises de l'opin d'Astor. C'est pas juste des mauvais côtés à jouer à Montréal. Tu sais, je veux dire, justement. Quand l'équipe va bien, c'est la plus belle place pour jouer. C'est une des meilleures places quand ça va bien. Caractère, puis que tu veux, tu vas vraiment comme avoir le défi, puis tout. C'est comme Drouin, c'est l'exemple d'un gars qui a pas peur de faire la pression. C'est sûr que Gallagher, il va jamais. Ah, lui, il trippe à Montréal. J'ai pas aimé ça à Montréal. Lui, il doit être. Oh, mais Drouin a pas connu une mauvaise séquence. Il n'a pas fait taper ses doigts encore par le public pour l'instant parce que tout le monde joue. Il y en a qui commencent à être impatients. J'ai hâte de voir un mec ça arrive et comment Drouin va réagir. C'est comprenable. En espérant qu'il fasse pas la tortue. Ça fait depuis 95. Que le Canadien soque. Ben, 93, je pense que le on soque tellement que Plekis s'est battu l'autre fois. Ouais, mais je pense que le problème avec Drouin, c'est que le monde commence trop à comparer Sergachev avec Drouin, puis ça panique parce qu'il pense qu'on s'est fait encore. Non, mais j'ai vu aujourd'hui aussi que Subban a plus de points que le plus gros pointeur de l'équipe en ce moment. On s'en compte. Il y a un comparatif à faire. C'est Subban 17 points, Gallagher 16 points en ce moment. Il n'y a pas de comparatif à faire. Moi, je trouve ça. Mais le monde, Drouin contre Sergachev, il n'y a pas de comparatif à faire parce que c'est un défenseur contre un attaquant. Malheureusement, c'est un bon échange. Puis non seulement c'est un défenseur contre un attaquant, mais Calvert. L'autre, il joue pas à la même place. Il joue dans un club où que ça va bien en tabarnak. Ouais, puis il joue sur le powerplay avec Stamkos et Kucherov. Il joue avec Stamkos et Kucherov. C'est les deux meilleurs pointeurs de la ligue. Tabarnak, je pense que Stamkos a 35 points en 20 games. Ouais, puis Kucherov, il a quasiment déjà 20 buts. Il a quasiment genre 20 buts, exactement. C'est ça. Ils ont comme plus qu'un point par game. Puis Sergachev à Montréal produirait pas autant. Moi, j'ai pas pris Stamkos dans mon pool cette année. On aurait peut-être dit. Je pensais qu'il serait blessé. Je pensais que Stamkos, moi, ça serait bien dans son petit point. Ouais. Hey non, man, il torche des culs, là. T'sais, moi, Stamkos, j'ai tout le temps dit, genre, ben, c'est le playmaker. T'es un peu overrated. Il est fragile. Un pot de pénis. Ouais, c'est ça, on sait pas. Stamkos peut le perdre aux fêtes. Ouais, peut-être qu'au fête, au début janvier, pause, faire un rentre dans un poteau. Genre, il pogne un choc électrique. Fonce dans un Tim Horton, quelque chose. Ah ouais, il peut y avoir. S'acheter un double-double. On parlait des rumeurs. D'une caisse pop de jardin en Floride. J'ai un extrait audio que Seb Brutal nous a envoyé par rapport à Chico et Régent Tremblay qui s'astinent sur des rumeurs, justement. Fait qu'on va voir ce que ça donne quand le Canadien est pas transparent puis il dit pas la vérité. Ça donne des affaires comme ça. Oui, ça va bien. Hey, j'ai écouté Régent avec nos confrères à Québec hier. Oui. Tabarnak. Ben, je suis content que tu écoutes Québec. Ben certain. Mais j'aime ça Québec. Voyons donc, on est des amis là-bas, dans les médias, Radio X. Tabarouette, tu dis pas les mêmes affaires là-bas qu'ici. Oh, j'ai dit les... Non, non, non, non. Oh, bah, boy, tu n'utilises pas les mêmes termes, hey, excuse-moi donc, toi, tu travailles pour quel bord dans la vie? Ah. Les anciens Canadiens, ben, avec 91-9? Non, je te dis. Non, mais c'est le temps que tu t'enlignes comme fou, là. On va en parler plus sérieusement, maintenant. Je te le dis, là. Je te le dis, là. Je te dis, tu dis pas les mêmes affaires. Ben non, mais c'est pas le même contexte. Ben c'est, oui, pourquoi c'est pas le même contexte? Non, non, non, c'est pas une émission de sport, c'est une émission générale. Ben, c'est un segment de sport. Sais-tu ce que je vais te dire, là, Chico? Ouais. Qu'est-ce que t'as entendu dire depuis le début de l'année et surtout depuis 2-3 semaines? C'est quoi les rumeurs que t'as entendues? Ben, c'est que t'entends de folie, là? Ben c'est justement, c'est des rumeurs, fait que t'en parles pas. C'est des rumeurs, les gens. Non, mais ce que c'est... Les rumeurs, bon. On parle pas de rumeurs. Mais comment ça se fait que c'est des rumeurs? On parle, pas, on parle pas de rumeurs. Non, penses-tu que les gens qui nous é... Non, mais penses-tu que les gens qui nous écoutent sont... les entendent pas, les disent pas, les répètent pas? Ils viennent de où, les rumeurs, d'abord? C'est... Comment ils font pour les gens pour savoir que, mettons, exemple, la femme de Carey Price l'aurait menacé de divorce s'il sortait pas de Montréal? S'il sortait pas de Montréal. Bon. Mais ça se fait que ça s'est... Comment ça se fait que ça se ramasse? Comment ça se fait que c'est devenu partout. Une rumeur, ça? Ouais, aucune idée. Comment ça se fait qu'une rumeur... D'ailleurs, je ne sais même pas... Et je le dis, là... J'ai aucune idée, moi, là. Ça, ben, je m'en fous. Ben cependant, écoute-moi bien, Chico. Excuse-moi donc, toi, là. Non, si non, tu veux faire le 20 minutes, fais-le. Attends une minute, là. Mais pourquoi tu le répètes d'abord? T'as je dis en passant, parce que j'ai lu ton article ce matin, là. Tu dis la vie privée, ça appartient à eux autres, puis ça devrait pas sortir. Mais pourquoi tu le répètes d'abord? C'est la question que je te pose. Mais la question que je me pose, c'est parce que j'ai un point majeur à faire. Toutes ces folies-là, ça, c'en est une. Il y en a d'autres, là. Il y a tout plein d'affaires qui courent. Puis, ça, c'est, je veux dire, j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est pas vrai. Anyway, ouais, c'est pas de mes affaires. Ouais, mais pourquoi c'est pas des affaires de Chico, là? Pourquoi tu lis ça d'abord? Pourquoi est-ce que tout ça arrive, d'après toi? T'es fin, là? Pourquoi ça arrive, ça? Mais pourquoi, ça... pourquoi c'est comme une traînée de poudre partout? Parce qu'on est, pourquoi, à... Parce qu'on est à Montréal. Parce que maudite réponse. Parce qu'on est à Montréal. Non, non, pas parce du tout. Que... Attends une minute, laisse-moi finir. Là. Oui. Si on est à Tampa, ça arrive pas, ça. Ça arrive pas, ça. On accepte que le joueur est blessé, tout simplement. Ben oui, damn fucking right. Ah ouais. Hey, man. Et voilà. Ben, hey, chapeau. Tout a été dit. Chapeau Chico. Chico hein, il remet ça dans la face. Wow, ben, ce gars-là, ouais, c'est, je pense, c'est la plus intelligente que j'ai entendu. Il l'a callé out en essai. Il dit, hey, tu dis pas une affaire, hein, quand t'es là-bas. Puis, ouais, t'as pas l'affaire de dire. Il aime ça se faire aller à la trappe, trembler. Il est-tu, il est-tu? Ouais, non, mais il a raison. Tu connais, ouais, ben lui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le respect. Ouais, il est intègre. Il a pas peur. Il a pas peur. Ben, tu sais, en même temps, il a l'intégrité. Il dit, si des rumeurs, t'y répètes pas. Tu ne répètes pas dans les médias, tu as une responsabilité en tant que ouais, chapeau. Parce que, parce que il sort tout le temps des médias pareils, ces rumeurs-là. Non, surtout 91-9, comme... ces rumeurs-là. Non, non, ah, mais, ben, non, ils le disent tout le temps. Ils disent que ça vient d'un blog. Comme l'affaire là, du meeting chez Weber, Michel Lanvin, c'est lui qui a dit ça le matin. Il a dit dans les blogs ce matin, qu'est-ce qui sort, c'est qu'il y a une rencontre chez Weber. Les journalistes arrêtent. Après ça, ça a sorti que non, c'est un party pour sa fille. Ils n'ont pas le choix de checker des blogs. Un party de fête de sa fille, puis il y avait une couple de joueurs du Canadien qui avaient des enfants qui sont allés. Ça, il y avait le bounty bar, tu sais, avec les, comme j'ai fait. Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'était juste ça, mais. Mais ils n'ont pas le choix de checker les blogs à ce temps. Il l'a dit, tu sais, ouais. C'est normal. J'ai check, là. Mais c'est donner de la crédibilité à des gens qui n'en ont crissement pas, normalement. C'est très simple. Moi, mais c'est parce que, tu sais. Mais on est pogné. Je comprends que tu fais un blog. Ça se peut que dans. Un blog, t'as, mettons, 10 gars qui participent au blog. T'en as un là-dedans. T'en as un qui s'est fait un moment donné, à quelque part, à quelqu'un, puis il y a eu une source, puis c'est sorti dans son blog, puis là, ça y a donné comme la crédibilité. Tu peux parler... Là, un moment donné, ben là, tu vas le checker. Tu peux commenter des rumeurs, mais... Tu sais, je veux dire, comme, des fois, ça va arriver qu'ils vont dire, il y a des rumeurs d'échange de tel gars. Mais sors la peau. Tu sais, c'est ça. Ils vont pouvoir commenter, ouais. On a entendu ça. Tu sais, Renault, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, ben là, OK, ben, c'est fini. Mm. Mais que lui, il amène ça, comme Régent Tremblay qui arrive. Là, j'ai entendu dire que là, t'es en train de dire comme. T'es ouais, en train de rapporter la rumeur. Officiel, t'es pas en train de commenter la rumeur, t'es en train de rapporter. T'es quasiment en train de te l'approprier, là. Exact. Moi, je vais être le premier à l'avoir dit à la radio, là. Tu sais. Ben, c'est ça. Mais tandis que la fois de l'affaire, le meeting, il a dit, ben, ce matin, il y a certains blogs qui disent qu'il y a une rencontre chez Weber pour tous les joueurs. Puis, il l'a dit. Ouais, certains blogs. Là, ça a commencé à se dire partout. Puis Weber, c'est lui qui a dit, excusez, c'est une fête d'enfants. Puis j'ai juste invité une couple de joueurs qui avaient des enfants pour la fête de ma fille. Puis, ça a mis en crise des joueurs qui n'étaient pas invités. Ouais, parce qu'ils ont demandé, ah, comme c'est un meeting? Ouais, ouais, ça s'est mis dans la crise. Ça a sorti partout pendant après la pratique. Comme ça, il y a un meeting d'équipe, tout le monde dit, what the fuck are you talking about? C'est qui non, il y a un party de fight. Qui était frustré de ça? Ah, j'ai juste dit que Udon s'est battu parce que dans le fond, il y avait une rumeur qui disait qu'Udon s'était battu avec Price, puis c'est comme ça qu'il s'est blessé. Bullshit. Udon, c'est pas lui qui s'est battu avec Price. Eh oui, la recrue, tu vas se battre avec le gars. Il serait encore à Montréal. Udon s'est battu avec Weber, puis il a mangé une crise de volée, puis c'est pour ça qu'il a la face maganée de même. Ah non, c'est des boutons. C'est chiant. Il est super bon. Il est encore prépubère. Mais moi, la rumeur qui est bon, qui s'est battu dans le vestiaire, je l'avais entendu et tout. C'est quoi ça? C'est un papa. Quelqu'un, moi, un de. Tant mieux. Une recrue s'est battu avec Price, c'est même pas à Montréal. Non, pas eu don. Il n'y avait pas de nom. C'est rare aujourd'hui. On a comme une double conversation. Ouais, faites pas ça. Mais je veux pas entrer dedans. Non, on disait rien. C'est un reste familial. Tu peux commenter la rumeur, Marc. Non, la rumeur que j'avais entendue. Ben, moi, c'est quelqu'un qui. Ben, c'est une rumeur de marde, tu sais. Qu'il y avait une batteur dans le vestiaire? Ouais, que Price, il s'était fait dire genre qu'il était pas capable d'arrêter un esti de ballon. C'est ça, c'était Udon, ça, qui avait dit ça, ça a l'air. Eh oui. Ça me surprendrait. Ça a jamais entendu. C'est vraiment là, j'ai entendu, mais voyons donc. Que Weber dise ça. Que Pacho dise ça, mais que ça me surprend. Pacho est mou comme la marde. Oh, mais c'est des gens, ils peuvent pas se nier. Mais qu'un autre gars, un autre vétéran comme Gallagher, ça peut sortir s'il se parle en blanc des yeux après une game. Là. Ça peut, moi, je le dis. Ça parle fort. Toi, t'arrêtes pas une astuce de puck assis puis tu passes des ballons plats. Ça peut se poussoyer un peu. C'est correct, ça. Si, dans un vestiaire avec tous les gars. Ça arrive tout le temps. J'aurais l'impression, moi, que si ça se tapait ça ailleurs à l'époque. Ouais, mais c'est sûr que ça. Il faisait un ménage dans le vestiaire. Si ça brosse pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Qui marche tout le monde s'assied en silence puis il n'y a jamais rien qui se dit c'est mais ça, Chris, c'est une gang de losers comme un petit peu d'émotion t'es probablement les Coyotes là. Ouais. Qui battent le Canadien voilà c'est parce que ça arrive la période est finie loi de la moyenne et le podcast est fini puis il y a pas de call out toujours pas de call out GF non pas de call out non hey moi je suis sûr je vais en faire un call out tu veux tu mettre la toune ben mets la toune il faut attendre un petit peu mais elle va partir oh, bon, c'est tout? Toi, tu calades moi? Ouais! Ouais. C'est quoi ton hostie de problème de faire des pétitions pour ramener le calade? C'est même pas lui c'est qui l'a fait. Hein? Non, mais monsieur, genre, se fait désirer. Hey, oh, se fait désirer. C'est pas moi qui ai fait non, ça. Non, non, là. Non, essaye pas de te défendre, là, mon tabarnak. Toi, t'écoutes pendant le calade. Toi, pendant que je te parle, tu fermes ta gueule puis t'écoutes, la, ok? La, la, puis là, t'as pas de doigt. Puis là, tu vas écouter. Oui. Tu finis. Vas-y, Dave, j'ai fermé son micro. Ferme son mic. Non, mais dans le fond, parce que c'est. Voilà, c'est parti. Non, Mallette. Essaye de l'allumer. Mallette, je suis extrêmement déçu. Moi aussi. Ah. Je trouve qu'il y a trop. J'ai pas le contrôle sur les partisans qui ont décidé de faire une pétition. Je leur ai demandé. T'as le contrôle sur ton finger. Ouais, ramène ton finger. Non, hey, mais là, si tu me ramènes pas, là, en même on temps, te casse à au pire, on t'expulse du podcast. un jour, peut-être. Mais continue à répondre aux messages. Au pire, on te renvoie dans les gamines. Pourquoi, ouais, faire le pacing, pour, tout pourquoi ça, tu l'as serré, le call out finger, puis il est où? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Il est où? Il est au Tibet. Mais. Il se ressource. Il se ressource des montagnes. Ouais, c'est ça. Il est en train de devenir moi. Non, mais c'est parce que dans le fond, depuis le début de la saison, là, honnêtement, là, moi, ouais, j'étais de ceux, puis vous l'avez deviné clairement que j'étais un de ceux qui pensait qu'on s'en allait dans la bonne direction. t'es encore de ceux, là, je te dis. Là, c'est comme si j'aurais reçu une grosse claque sur la gueule, puis mon âme est brisée présentement, puis mon power finger. He's a broken soul. Il est encore dans le positivisme à côté. Là. Non, c'est ça. Non, mais je suis pas dans le positivisme. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Je prends toujours un café McDo avec Chapu, je sais pas quoi, le matin, toi, le gars qui fait les conférences de presse de positivisme. Mallette, c'est un believer. Est-ce, il est plus optimiste. Il croit plus en le Canadien que genre. Ok, t'as peur. Marcel croit au pur noisetier. C'est intéressant. C'est intéressant ce que t'amènes là. Là, ouais, t'es rendu où? Là, là je suis rendu à un point du non-retour. Là. Je suis en train de m'enfoncer dans un ravin, là, puis il n'y a même pas une corne parce que je peux m'agripper. Là, deux ans, Mallette, là, c'était la même situation, puis ton call-out finger est en feu. Fait que ça devrait revenir en feu. Non, je sais, mais c'est juste que là, dans le fond, je sais pas, c'est... Parce que le call-out finger, c'est comme un peu le public qui part à travers ton gros doigt, là, tu sais, puis qui crie après. C'est vrai, mais je te dirais que depuis l'année de Randy Cunningworth, là, c'est la première fois cette année que je m'aperçois que, écoute, ça marche pas. Bergevin, Liefeld. Le plan de 5 ans est mort. Pourtant, je crois encore à Bergevin. C'est, le gros est mort. Là, je crois encore à lui. Je pense qu'on n'a pas le choix d'y croire en lui parce que je vois pas pourquoi qu'on le mettrait dehors. Il n'y a personne d'autre qui va le remplacer. Puis tant et aussi longtemps que Monsoon va être dans l'organisation, tant et aussi longtemps que Monsoon va être son boss direct, ben là, on s'en ira nulle part. Okay. On est pris pour 20 ans. VP opération. VP ben là, opération. On va voir ce que Bergevin va faire. Dans le fond, là, c'est soit... Ça peut pas changer de temps d'affaires, par exemple. Non. Non, mais comme Alex disait tantôt, off mic, la saison va être intéressante parce qu'il va se passer quelque chose un moment donné. Il va se passer quelque chose. Il faut que je passe de quoi de gros un jour. C'est ça. VP opération. Là, cet été, à un moment donné, bientôt. Ça va pas faire que le Canadien soudainement va être une meilleure. Moi, ça, c'est mon plan. Non, mais c'est parce que là, j'avais une carte blanche. Alex. Mon plan, c'est que j'amène un VP opération hockey. Moi, je calisse dehors, c'est quoi, Mellenby? Mellenby, oui. Mellenby, toutes ces... Dudley. Toutes sa petite gang dans l'entour de lui. C'est juste pour... J'ai calisse ça dehors. Martin Lapointe. Ouais, Martin Lapointe. Ben, j'amène un VP opération. J'amène un VP opération. Non, les gens, c'est un coup, je vais laisser ça. Ah non, c'est... Qu'est-ce qui se passe à la glace? Ça se passe... Ça, c'était Julien qui calisse ça dehors. Non, mais j'amène un VP opération. J'amène un VP opération, puis j'enlève tout le monde qui est l'entour de Marc Bergevin. Je l'isole. Ben, je vais emmener mes gars. Moi, je suis le VP, je vais emmener mes gars. Puis Trevor Timmins, je vais emmener tous les partis. Toutes ces gangs-là de développement puis de recruiting. La marde va pas nier. Non. Après ça, t'es sasslette en esti, man. T'es bien performé parce que t'es le prochain parti. Tu sais en esti que t'es sur un siège éjectable. Là, j'ai mis mes gars. Fait que performe. C'est exactement ça qui est arrivé à Toronto. Là, t'as la pression en esti. Là, tu vas sentir l'eau chaude. Puis après ça, gars, tu fais pas de job. Bye-bye. À Toronto, ils ont fait rentrer Lou Lamoriello. Puis là, tout le monde a les cheveux courts. Non, mais Shanahan, il a engagé plein de monde, par exemple. Il a changé son équipe de recrutement au complet. Gars, tu changes tout le monde. Fini la petite clique. Ah ouais. Chris Dale Hunter, justement, là, il est consultant pour les Leafs. Jacques Lemaire est consultant pour les Leafs. Ça, c'est un changement de direction. Ça revient un peu à ce que je disais. C'est que ça fait pas que ton club, du jour au lendemain, est bon. Ça veut pas du jour au lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, là, mais ton développement... à partir du moment où ce que tu repars en neuf en haut, tu repars un peu en neuf en bas. Non, parce que tu gardes la même DG. Ouais, c'est beau. Non, je parle au niveau de l'équipe. Belle fille, ouais. Parce que présentement, il n'y a pas de fire sale dans l'équipe. Oubliez ça, ça se fait pas. Ça change rien. C'est qu'on est changé dans une reconstruction. Pas une vente de ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas de reconstruction. Les Boston, Buffalo a essayé, Panthers ont essayé. Il n'y a pas de reconstruction. Il n'y en aura pas. Il y en a une. OK, la seule reconstruction... Si tu changes tout ce qui est en haut, il y a une reconstruction. Parfait. L'équipe. Parce que si tu changes tout ce qui est en haut, c'est parce qu'en ce moment, l'équipe que tu as été chercher fait pas le travail. Ouais, mais quand Bergevin est engagé, Dave, quand Bergevin est engagé, là, toute l'équipe au complet a changé au 7e. Là, tout au complet, là. Ils ont pas changé le club au complet. Ils auraient dû déménager bureau. Ils ont fait quelques petits changements, mais dans le fond, il n'y avait rien de majeur. Là. Hey, le plus gros joueur qu'on a été cherché là, quand Bergevin est arrivé, c'était Brandon Prost. Ouais. Mm-hmm. Fait que non, ça change quelque chose. Ça change la direction à long terme, pas court terme. Hey, je persiste ici. Voilà. À court terme, ça ne change rien. À moyen, à long terme, ça change vraiment quelque chose. Pourquoi ça va changer de quoi? Parce qu'ils vont changer. Mais quand ils changent de DG, voyons, Dave, combien de fois le Canadien a changé de DG puis toute l'équipe sans avoir reconstruit toute l'équipe. Je dis pas qu'ils vont reconstruire au complet, plein de fois, mais il va falloir qu'ils rebâtissent au niveau d'un certain noyau. Bah ouais. Okay? Puis il va avoir des gars qu'on verra pas. Tranquillement, je m'excuse, là, mais les joueurs qu'on a présentement... Les Mohun et tout de ce monde sont partis, mais pas tout de suite. Là. Bon, ouais, okay, et voilà. Donc, tranquillement, on reconstruit un peu notre club. À même titre que Bergevin change le noyau, a reconstruit son club quand il est arrivé. Ouais, sauf que moi, je vais mettre plus d'accent. Il a fait son noyau. Avec mon plan, je mets plus d'accent sur le développement puis le recrutement. Que Timmins, c'est un bon recruteur. Mais ça, on va le dire, seul l'avenir nous dira. J'entends ce que tu me dis. Ce que moi, je te dis, c'est que si en haut, ça change, en bas, c'est sûr qu'il faut changer en bas. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que pense pas à une Coupe Stanley avant quelques années. Timmins, c'est un excellent recruteur. C'est ça, mais il ne faut pas s'attendre non plus qu'on... À moins d'une période genre comme... C'est juste qu'on n'a pas de développement. Il ne faut pas s'attendre. Sauf que c'est le troisième recruteur qui a le plus de joueurs qui jouent dans la Ligue nationale. C'est Timmins. Dans la Ligue nationale. Mais voilà. Je veux le premier. Timmins, il est pourri. Mais non, mais c'est parce que... C'est ça qu'on dit. C'est le troisième recruteur sur 30 équipes qui a le plus de joueurs recrutés qui jouent à la Ligue nationale. Mais dans notre défense, mais pas avec les Canadiens. Parce que tous les joueurs deviennent bons une fois qu'ils sont tradés. Il n'y a aucun défenseur qui a été repêché par Montréal. Parce qu'ils ont tous été tradés. Oui, ils ont tous été tradés. C'est pas faute à Timmins. Ouais. Taimane voilà. Diaby recruté. C'est qu'ils ont été changés. Ah ouais, on a repêché des joueurs qu'on n'est pas capable de garder. Ben, qu'on n'est pas capable de développer. On a un développement de merde. C'est ça. Fait c'est que pas la faute. C'est pas juste la faute. La pointe. C'est pas Taimane qui développe tous les joueurs. Tous ces gars-là, man. Bang. C'est sûr, c'est pas Taimane qui est 100% coupable. Il a pas repêché des first round de McCarron. OK, il n'y a pas juste les first round dans la vie. Ouais, il faut que tu te fous des autres rounds aussi. Il y a les choix de 4e et 5e round. Palat, c'est un joueur de 7e round. C'est tout ce que t'as pour ton first round. Tout ce qu'il faut dire, là, c'est Timmins a ses torts, mais le développement, c'est non, mais le plus, c'est là, c'est le développement. Mais Timmins, c'est pas Timmins, le faire. Il est pas Black Ops Mike, Justy, là. Ben, il a recruté. Il a non, mais il a fait des erreurs comme n'importe quel recruteur. Il a fait des erreurs comme n'importe quel recruteur. C'est pour ça qu'il faut jouer un board. Non, il a fait plus d'erreurs que deux autres. Non, c'est le troisième recruteur qui a plus de joueurs dans la ligue. Il a fait plus d'erreurs que deux autres recruteurs. Non, mais c'est parce que si Timmins fait une erreur, dis-toi qu'il y a 29 autres DG qui ont fait la même. Je vais mettre fin à ce sujet immédiatement parce que le show est fini depuis comme 20 minutes. Ok, bye. Voilà, j'ai mon raid à faire. Faut qu'Alex ait raidé à Destiny 2. Puis là, finis-nous ça avec. Non, non, mes radars. Faut déjà. Ouais, ok, mais je veux que tu nous finisses ça avec Terrien aussi. Terrien? Julien, tu veux dire? C'est quoi l'affaire oui, de vieux? C'est sûr. Julien, Terrien. Oui, c'est. Ok, bonne soirée! C'est quoi l'affaire de Mirador? On t'expliquera ça en hors nom, mais. C'est un show que Mirador, c'est une compagnie qui faisait du damage control quand il arrivait des genres de controverses dans les médias. Genre. Okay. Fait qu'il annonçait des conférences de presse, puis, hey, on fait une conférence de presse, prenons une conférence de presse, puis là, oh, il y a des scandales. Fait que là, Mirador, c'est eux autres qui gèrent le Canadien, le PR du CH en ce moment. C'est eux qui ont dit à la femme à Price, va sortir des médias, va-t'en sur Instagram, puis du monde de famille leur gueule, c'est tout Mirador, ça. C'est ça, puis ça finit avec Take a chill pill, bitch. Puis ça, ben ça, c'est Marc Labrèche qui niaise Mirador, en fait, là, parce que, voilà, Marc Labrèche. T'es invité à sur ce podcast, Marc Labrèche. Ouais, lui, j'aimerais bien ça. Fun, ça. On passerait un beau moment. Allez signer la pétition, ça vous tente. Allez signer la pétition. Vas-y, parle. Allez signer la pétition, puis on se revoit dans deux semaines, le 8 décembre pour le dernier show de 2017. Yes! Parce que sinon, après ça tombe dans le temps des fêtes, fait qu'il en reste un. Signe la pétition parce que je collerai pas ma lettre out à chaque show. Ouais, c'est pour notre propre santé, fait que à la prochaine, tout le monde, on se voit dans deux semaines. Ciao! Bye! Pardon.